Bonsoir. L'évêque de Bafia, Monseigneur Mbala, vient de se jeter dans la Sanaga en laissant son véhicule sur le pont. Message laissé dans le véhicule, je suis dans l'eau. La voiture a été retrouvée sur le pont. Clé au contact avec le message. Ingénieur depuis le matin, les autorités sont sur place et les investigations en cours. Les autorités veulent d'abord authentifier son écriture. Le préfet et les autorités administratives y sont sur le terrain en ce moment. Son téléphone ne passe pas. Voici son passeport, le truc de la voiture et sa carte d'identité. Et je suis dans l'eau qui est écrite dans la voiture. Voilà, le préfet et autres sont descendus sur les lieux. Donc voilà, la voiture garée là-bas. Raison de son suicide? Personne ne sait encore. Bon, contactons le journaliste. Oui, j'ai les journalistes qui travaillent là-bas, non. L'évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, s'est serré jeté dans le fleuve Sanaga ce jour au niveau du pont de Bebda. Les autorités sont actuellement mobilisées. D'après nos sources, après avoir garé son véhicule de marque Prado, il s'est avancé vers le pont et a sauté dans le fleuve. Il aurait laissé une lettre et des photos. D'après le préfet de Bafia, l'évêque serait toujours dans l'eau. Il vient d'intervenir au journal de 17h au poste national. Voilà. Ça nous pousse donc à parler d'un sujet, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à se suicider? Qu'est-ce qui peut nous pousser au suicide? Bonne question. Donc, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Il a donné le sujet. Ah, mon ami, c'est un génie. Mon ami, c'est un génie. Non, je te salue par les handicaps. Ça, c'est un génie. C'est comme... Tu es le chef d'abord d'Amstack. Pour une population. Tu as toujours fait des trucs là. Tu as toujours resté derrière. Mais c'est comme ça aussi que... Ce que j'ai apprécié, beaucoup apprécié du frère Junior, et quand il voit un homme, c'est comme s'il dit mon attitude, il balance plutôt Carole devant. C'est-à-dire que personne ne veut même que je connais leur Carole. C'est comme ça dehors. Tu me fouilles Carole et tu es mon ennemi, tu viens toujours me trouver ça. Mais car mon nom ne passe nulle part. C'est comme ça que moi j'aime vivre. Bonsoir. Bonsoir peuple de Stuttgart et de Munich et de Francfort et de Darmstadt. Bonsoir. Tu as appris tous les noms. Bonsoir les soeurs. Hein? Bonsoir. Prions donc, prions. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions pour cet autre moment que nous remettons devant de toi et nous réunissons devant de toi. Dieu de gloire, nous voulons partager ce sujet que tu as mis à cœur maintenant et que tu veux nécessiter par la bouche de ton serviteur. Je te remercie, Père, de toi pour ce moment, au Dieu de partage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Quel est le sujet? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à se suicider? Et il repose la question autrement, est-ce que nous ici, nous pouvons nous suicider? Ou mieux, reposons encore la question autrement. Est-ce que nous pouvons? Nous pouvons, j'aime ça. Mais nous, est-ce que nous devons nous suicider? Non. Ok, maintenant, allons-y dans la Bible, on va lire. Dans le livre de... Prenons un Samuel ou bien un chronique, comme vous voulez. Prenez, vous avez les Bibles, non? Madame a un collègue au chapitre 10. Chapitre 10. Ouais. Donc j'étais dans la Sanaga et dans l'eau. J'en ai suivi pas encore dans l'eau. Et c'est un maître nageur. Il est où? Que tout le monde soit là. Peut-être il allait manger, hein, parce qu'il criait à la famille tout à l'heure. Un comique, chapitre 10, allons-y. Partie du quel verset? Du verset 1. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tiens ton épée et transperce-moi, de peur que ces saints circoncis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses trois fils, et toute sa maison périrent en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis, ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galaad, ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants s'élevèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, ils les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous les térébintes à Jabès et ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui invoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Amen. Qu'est-ce qui t'inspire, frère, toi, qui viens de lire cela? Qu'est-ce que tu as remarqué? Oui, j'ai remarqué que, à cause de la culpabilité qu'il a ressenti vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis du Seigneur, Dieu n'est-ce pas au péché qu'il a commis, il s'est donné la mort à cause de cette culpabilité justement. Oui. Donc la culpabilité peut pousser quelqu'un au suicide. Oui. La culpabilité. Jusqu'à quel niveau de culpabilité quelqu'un peut-il être au niveau du suicide? Quel niveau de culpabilité pousse généralement les gens au suicide? Quel niveau de culpabilité? C'est une très grande culpabilité, frère. C'est-à-dire que quand on est vraiment sent qu'on a commis une faute vraiment très grave et qu'on est vraiment coupable, lorsqu'on se dit qu'on ne peut pas obtenir le pardon de la personne qu'on a offensée d'une manière ou d'une autre, on ne voit aucune issue. Enfin, on se dit que lorsqu'on ne peut pas vivre justement avec cette culpabilité, avec cette charge dans sa conscience, on se dit que la seule issue, c'est donner la mort. Il y a des gens aujourd'hui qui entrent dans des sectes pernicieuses, vivent bien avec des luxes et autres là-bas. Et à un moment donné, les conditions de la secte là, exigent soit les femmes, soit les enfants, ou bien les mamans qu'ils aiment tant. Oui. Et surtout les personnes qu'elles aiment beaucoup. Oui. Ils disent qu'ils ne peuvent pas le faire, ils ne veulent pas le faire. Oui. Et subitement, ils partent se donner la mort. Oui. D'autres personnes restent comme ça. La situation de la vie est tellement difficile au point où ils souhaiteraient être quelqu'un. En regardant tout, ils voient que Il y a des gens tout autour qui ont réussi, ils ne peuvent pas s'en sortir, ils ne voient pas à l'horizon se prendre une tentative de solution. Oui. Ils regardent tout autour, à gauche, à droite, il n'y a personne pour le faire. Avec leur bien propre, il dit, je préfère supprimer ma vie. Effectivement. Ici, la Bible déclare à partir du verset 3 que l'effort du combat se porta sur Saül. Mm-hmm. Les archers l'atteignirent et le blessaient. Donc là, il a obtenu la blessure. Oui. Cet événement s'est fait état de, initialement, dans 1 Samuel chapitre 15. Oui. Il a désobéi à Dieu parce que Dieu lui avait demandé d'aller détruire tous les Amalécites. Mm-hmm. Il est allé, il n'a pas tout détruit tout le monde. Et Dieu a déchiré la royauté en disant qu'il ne respecte jamais sa parole. Comme Dieu ne parle pas avec lui, Dieu ne parlait plus avec lui. Depuis ce jour-là, les prophètes, personne ne lui prophétisait les paroles. Il est allé n'importe où, il dort pour n'avoir le songe, rien. Il prend le tour et le tour pour faire le tirage, aussi pour que Dieu puisse répondre, rien. Ouais. Il a décidé d'aller chez le marabout. Ouais. Un Israélien. Alors que c'est lui-même qui a commandé qu'on tue tous les sorciers, tous ceux qui consultent l'avenir dans le pays. Lui-même qui donne encore l'ordre qu'on cherche une femme qui évoque les morts. Il est allé là-bas consulter. Samuel est sorti, il lui dit, ok, la prophétie c'est que le lendemain, même tu devais, il devait mourir lui et ses fils. Maintenant, voici dans la situation qui se passe maintenant, à partir du verset 1 encore. 1 Samuel 1, chronique, chapitre 10, la Bible déclare, les Philistins livraient bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, l'ami intime de David, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. C'est-à-dire que Dieu avait concentré l'énergie pour que le combat se dirige vers lui. Oui. Ouais, comment Dieu peut diriger un combat entre pays, n'est-ce pas? Oui. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, parce qu'arrêté à ce moment-là, il y avait des gens qui portaient le truc où il y avait les flèches. Oui. Quelqu'un a arrêté, il pensait que c'était les flèches qui tiraient. Il ne faisait pas, il donne, mais pam, donne. Il dit, Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et transpèrement, de peur que ces inconscients ne viennent me faire subir les outrages. Il m'arrête d'abord ici. On voit dans le film des samouraïs comment c'était un honneur pour eux. Qu'ils y a souvent eux-mêmes donnaient l'épée pour qu'on puisse couper le cou au lieu de faire certaines choses. Ouais. C'était un honneur, ils croyaient que c'était un honneur. Et petit à petit, on pousse aux gens comme ça avec l'esprit des suicides. Nous voyons le taux des suicides, c'est balayer la partie orientale. Dans le pays oriental et de l'ouest. Pourquoi quelqu'un peut-il aller au niveau de se jeter à partir d'un étage? Comme c'est le cas de cet évêque qui vient d'arriver au Cameroun, se jeter dans de l'eau, un évêque en plus, qui est censé savoir qu'on ne doit pas le faire. Qu'est-ce qui peut être là maintenant? Beaucoup de spéculations. Mais regardons d'abord dans le cas général pour tous les êtres humains. Est-ce que l'être humain doit se supprimer la vie? Non. Est-ce que l'être humain doit tuer un autre être humain? Non. Donc même sa propre vie, il n'a pas le droit de tuer. Non. Donc ça veut dire que c'est grave. Il faut qu'on regarde à la sortie maintenant la destination de ceux qui se donnent la mort de façon consciente, n'est-ce pas? Ouais. Alors la Bible déclare ici, celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Donc il savait maintenant que le combat, que quelqu'un soit les gens devaient venir le tuer. Ne voulant pas que les Philistins, parce que les Philistins sont les incirconcis, disent que c'est eux qui ont tué le roi d'Israël, le gars, il a pris le pays, il a fait déchirer lui-même, c'est donner la mort pour mourir. La Bible déclare celui qui portait ses armes, les armes de sang. Cette histoire si amusante, parce que ce n'est pas le sujet, il devait vous amener dans la Bible dans une autre dimension avec en tournant quelque part dans la version qui est écrite dans 2 Samuel chapitre 23. On devait parler là-dessus par rapport à ce qui se passe. La Bible déclare, verset 5, celui qui portait les armes de sang, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Deux suicides. Non, c'est seulement ça. On dit les gens. Non, il commence encore. Non, celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée. D'accord, okay. Et mourut. Je pense que c'était les gens. Non, ils ont vu, puisqu'ils sont en train de combattre face à un ennemi. Ouais. Le chef, voyant que le mec qui vient là, il risque de se moquer de lui en ce cadavre. Il dit mieux, on le décide. Au lieu que mon cadavre tombe, je tombe en demeure de ces incirconcis, mieux c'est moi-même qui m'a. Parce que s'il va là-bas, il va mourir. Il dit mieux, il se donne la mort. Mais ce monsieur-ci à côté, voyant que son maître a fait comme ça, il a fait la même chose. C'est terrible, hein, tu vois. Ouais. Mm-hmm. Ça veut dire que même en mourant, tu peux servir des gens. Exactement. Non, tu pousses les gens. Justement. Tu peux pousser les gens au suicide. Ouais. Matthieu, chapitre 27. Je pense que. Avez-vous bien entendu, déjà, pardon, je ne te coupe pas, avez-vous bien entendu ici les gens, vos collègues qui sont suicidés? Il dit beaucoup. Pourquoi? quand vous faites les investigations, pourquoi c'est ceci? Bon, moi je me dis que ça dépend aussi de leur système de vie ici. Mmh. Parce que quand vous regardez comment la vie d'ici se présente, oui. C'est sous forme de prison. Oui. Donc les gens travaillent sous pression. Même pas sous pression. Oui. Regarde par exemple une maison comme ça là. Oui. Tu vas trouver une personne, il est seul. Oui. Ils ne sont pas sociables comme nous les Africains où tu sais que ton frère là-bas, tu peux aller là-bas, ou bien tu peux l'appeler. Tu peux appeler même ton frère pour que vous bavardez même pour deux jours. Donc l'isolation en excès cause le suicide. Et tu vas trouver quelqu'un, il est seul, du matin au soir, deux fois il ne travaille pas, il ne sort pas. Depuis 60 ans peut-être. Il est là dans la maison. Mm. Qu'est-ce que celui-là, quand il sort dehors, qu'est-ce qu'il voit? Un monde de rejet. Voilà. Là, ça ne sert à rien de vivre là-bas. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ont construit leur propre société, voilà. Fixer leurs propres règles et ça marche contre eux, voilà. Petit à petit. Moi, je me dis que c'est la société, leur mode de vie, qui est pour ceci à faire ça. Mmh. Parce que je sais que cela se passe aussi en Afrique. Oui. Mais tu vois, c'est dans un contexte et par les difficultés dont on a parlé là au début. Généralement par les sectes, par les conditions qu'on a données. Une fois que quelqu'un part, il met sa tête quelque part. Oui. On commence à lui demander maintenant de lever maintenant sa tête. Oui. Et il ne veut pas, et on commence à lui demander de ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique. Oui. Mais ici. C'est un autre domaine, autre niveau. En fait, je voulais parler dans le même sens que lui. Et elle peut être un peu plus explicite. Oui. La pression dont tu as souligné, c'est vraiment. Je préfère qu'on dise même la forte pression. Tout simplement parce que ça part généralement de la solitude. Oui. Et depuis que nous sommes ensemble, je crois que tu m'as déjà entendu parler de l'individualisme ici. Oui, l'individualisme, oui. Chacun se suffit. Oui. Chacun veut être. Personne n'a besoin de personne. Personne n'a besoin de personne. Il pense au départ que c'est la meilleure vie. Mmh. Mais le revers de ça est un peu grave. Oui. Très grave même. C'est même trop grave. Mmh. Tu es avec tes parents. Toi aujourd'hui, tu regrettes n'avoir pas vraiment eu à puiser l'eau quand ta maman se lave avec. Oui. Mais le joueur est content parce que sa maman est partie, elle lui a pas donné cette charge-là. Oui. On n'a pas compliqué la vie. Oui. Même quand elle vit, à un certain moment, on la prend pour aller la mettre dans la maison des retraites. Oui. Des gens de pension, oui. Donc on s'occupe de là-bas. On s'occupe d'elle. Et ça donne aussi le travail aux Africains aussi. Oui, ça donne le travail. Même le blanc. C'est pas seulement les Africains. Même le blanc. Tu peux demander le travail avant de te donner. Non, non, non. Rarement allemand. Surtout les Africains. Bon, ça c'est clair. Bon, maintenant, peut-être c'est le côté positif de ça. Mais je parle de l'individualisme. Oui, l'individualisme. Quand nous sommes dans le domaine du travail, comme tu vois là, tu es au travail. Nous, quand nous avons coupé au travail, on arrive en retard. Généralement. Malgré les efforts. Une fois, je dis au robot à 43 fois. 4-5 fois ici à la maison. Ou bien. Elle n'entend même pas. Parce que là, tu me fais ces choses en cuisine. Je parle, non. Oui. Après le tour, je reviens encore, je parle. Donc, c'est la personne qui touche aussi. Parce que ma partie me dépasse. Mmh. Mais lui, tu es au travail, tu travailles. Mmh. Quelqu'un qui va commencer à 14h, à 13h déjà. Parce qu'il fuit la maison au moins. Ouais. Il n'a rien à faire. Il n'a personne à qui dit que je pars comme ça. Il veut être dehors. Oui. Il veut être quelque part. Dans son travail, c'est sa seule consolation. C'est la seule chose. Et quand il finit le travail en retraite, il est dit qu'il se retrouve encore seul à la case départ. Et c'est comme ça que beaucoup meurent dans les âges de la retraite là. Oui. D'autres meurent dans leur maison, on ne les voit même pas. Et d'autres maintenant, c'est lors des longs week-ends. Oui. Lors d'un long week-end, on n'enregistre plus de suicide. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Solitude. Non, parce qu'il veut travailler. Il veut travailler, il ne veut pas le travail. Ce n'est pas qu'il veut même travailler, il ne veut pas être seul. Il veut s'évader. Il veut être quelque part. Et il veut que le week-end est trop long. Le week-end est trop long. J'ai deux collègues. Oui. Il y a un qui était déjà vieux, avec les maladies. Il n'était pas vieux, mais tellement il était costaud. Bon. Il a vieilli et puis les maladies se sont ajoutées. Parce que tu lui as dit, ok, nous, on te met en retraite anticipée. Il te reste 3 ans. Nous, on te paye, mais pour que tu restes à la maison. À la maison. Il a retenu les cartes. Tous les jours, il vient l'ouvrir. Il est dans la société, il s'est promené. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il s'est promené seulement. Chaque jour, il est dans les bureaux là-bas, il monte, il dit ça, il boit le café et tout. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré ses On a essayé plusieurs fois de retirer ses cartes. Oui. Ça n'a pas marché. Mmh. On lui a dit que bon, maintenant tes cartes sont périmées, il faut qu'on te redonne d'autres cartes. On a récupéré ses cartes et on lui a donné des cartes qui ne fonctionnaient pas. Mmh. Donc il ne pouvait plus entrer. Mmh. Parce qu'il ne voulait plus aller arrêter. Mmh. Actuellement, il y a un miracle. Mais s'il restait à la maison, il voulait payer le même somme. Mais qui reste à la maison? Il reste à la maison. Parce que même quand il venait là, oui, là au travail, c'était pour créer des problèmes. Oui. Il ne voulait pas travailler. Mmh. Actuellement, il y a un Iranien qui a le. Qui est. Soit cancer, comment il appelle ça? Diabète. Mmh. Il a beaucoup de maladies. Oui. À chaque 30 minutes, il doit aller en bas s'injecter. Mmh. L'insuline. Il est insulino dépendant. Oui. Il a beaucoup de maladies, il ne respire même pas bien. Mmh. Il est au travail. Il est au travail. On lui dit, reste à la maison, on te paye, on voit que tu n'as plus de force. Mmh. On a essayé de lui changer les et là, jusque-là, ça n'a pas donné. On lui a dit, reste à la maison. Il a dit que s'il reste à la maison, il va vite mourir. Les gens peuvent rester chez eux. Mais bien sûr. Donc, oui, frère. Non, tu as fini. Oui. Voilà, donc, en fait, je voulais, n'est-ce pas, dire que ça, c'est l'une des raisons, en fait. Oui. Donc, ça, c'est l'une des raisons du suicide. Après, on va parler de la vie du médecin. La vie du grand docteur, venu de nous. Oui. Voilà, donc, je parle, en fait, dans le contexte, dans notre contexte, puisque tu as posé la question à nous qui vivons ici. Voilà, donc, ça, c'est l'une des raisons. Et voilà, donc, je vais également analyser deux autres raisons. Oui. Voilà, la première raison, je vais m'attarder sur les Européens. Je vais parler des Européens, les Allemands en général, enfin, en particulier, puisque nous vivons en Allemagne et tout. Voilà, nous vivons dans une société de consommation, en fait, où la performance est le maître mot. Tu vois, nous sommes en fait en quelque sorte esclaves de nos factures, de nos engagements. Mmh. Ils nous font, n'est-ce pas, performer pour pouvoir justement, enfin, il nous faut avoir un bon travail et être performant pour pouvoir, n'est-ce pas, faire face à ces nombreuses factures. Mmh. Voilà, il faut être, n'est-ce pas, pour garder le travail, parce que de nos jours, on perd facilement également le travail. Tu vois, alors pour garder le travail, il faut être performant et ça fait donc que les gars, ils vivent sous stress, tu vois. Il y a le niveau de stress augmente chaque jour. Après, ça se transforme en burn-out, tu vois. Ça se transforme en burn-out, après ça devient la dépression, ça devient presque tout. Et voilà, on vit également dans une société où, pour eux, tout ce qui touche notre psychisme, c'est en fait un problème médical qu'on doit soigner, n'est-ce pas, à coup de médicaments. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que les dépressifs sont devenus monnaie courante. Et en absorbant aussi les médicaments, ils se tuent aussi à petit feu. C'est de ça que je suis en train de parler, justement. Alors, ils deviennent justement médicaments dépendants. Voilà, médicaments, si on peut dire ça comme ça, médicaments dépendants. Et ils prennent donc des antidépressifs tout le temps. Alors, ces antidépressifs, justement, font de toi, créent d'abord une sorte de dépendance. Et ça complique aussi la situation par la suite. C'est-à-dire que celui qui a commencé avec un petit burn-out se retrouve au niveau de la dépression. Oui. Après, il part au niveau de la schizophrénie. Et c'est comme ça donc que la situation s'empire au point où les médicaments ne peuvent plus rien faire. Et là maintenant, il te donne la deuxième option maintenant de t'interner à l'école de l'hôpital psychiatrique. Voilà. Et là-bas maintenant, vu les conditions d'internement, comme tu dis, vu justement la façon dont les patients sont traités, ils n'ont pas envie de rester là-bas, tu vois. Ça, c'est pour ceux qui acceptent d'y aller. Voilà, il y a d'autres qui prennent ces médicaments à la maison, et à un moment donné, quand ils trouvent qu'ils ont atteint le chemin de non-retour, et voilà que ni les médicaments peuvent les soigner, ni la psychoanalyse, la psychothérapie peut les aider. Ils voient, et leur vie n'a plus de sens, en fait, parce que quand ton psychisme est déjà entamé, c'est difficile justement que tu retrouves la stabilité. Ils vivent donc pour vivre et ils disent que la mort est la meilleure solution. La plupart des témoignages de suicides que j'ai eu ici en Allemagne, enfin, j'ai pas eu beaucoup à faire à l'isolement et tout, mais tout le temps que j'entends parler de suicide, c'est surtout ces personnes-là qui souffraient, n'est-ce pas, de problèmes mentaux. Dans le point de départ, donc, va d'où ? Quel est le nœud ? Parce que c'est là qu'il faut cibler d'abord. Parce que la conclusion, c'est le suicide. Point de départ. Pression, la pression, rejet de la société, incompréhension avec la société. Ouais, le deuxième point c'était en fait les étrangers qui vivent ici et plus particulièrement les Africains. Oui. Voilà, en fait les Africains qui sont ici, tu vois, nous avons un peu plus de pression que les Allemands parce qu'eux vivent dans leur cadre. Dans le cadre, ouais. Et puis leur pression, ça fait leur facture dans le cadre. Oui. Dans leur facture, dans le cadre. Mais les Africains, ils ont deux pressions. Voilà. Ils ont double pression. Réussir ici et faire réussir, penser à leur famille. Voilà, penser à leur famille là-bas. Oui. Et lorsque tu ne réussis pas, non seulement tu as la visée de la famille, oui. Mais en plus, on te donne tout le temps le témoignage de tes frères que tu as laissé là-bas et qui ont réussi. Tu vois un peu ce qui est. Les conséquences pour échapper à ça beaucoup dans le réseau des choses qui peuvent les pousser à réussir facilement. Justement. Donc, il faut comprendre que les Africains sont plus forts à pouvoir esquiver ces réseaux. Les... Oui. Ils sont forts pour pouvoir désordonner. Même Saint-Jésus lutte contre cette pression. Il faut fort. Ils ont tellement, ils ne donnent pas généralement la mort. Moi, je pense que oui. l'isolation est le principal. Le principal. Mmh. Pourquoi? Prenons un peu l'exemple. Oui. Si on ferme cette maison, oui. On laisse une personne dedans, par exemple. Oui. Deux jours. Tu ne sauras pas combien de jours tu as mis dedans. Mmh. On va te demander qu'il est quelle heure. Mmh. Tu ne sauras pas. Quelle heure il est? Parce que tu es isolé du monde. Tu es isolé. Petit à petit, ça commence à jouer dans ton cerveau. Voilà. Et quelque chose que je vais vous montrer de remarquer très bien. Mmh. On a par exemple les émissions ici à la télé. Oui. Où on dit par exemple, chacun doit venir montrer ce qu'il peut faire, des extraits que les autres ne peuvent pas faire. On appelle ça les super talents. Mmh. Tu vois quelqu'un, pour lui, il n'a jamais crié. Mmh. Il n'a jamais crié parce que quand il est seul comme ça, c'est son talent là-bas. C'est son talent, c'est qu'il n'a jamais crié. Il n'a jamais crié. Donc, même si tu le griffes, il ne crie pas. Voilà, on va lui dire, il va venir se s'arrêter, dire qu'il a un talent. Mmh. Tout le monde s'attend qu'il va montrer qu'il a un talent. Mmh. Il va arriver là-bas, il va crier, on va dire, il va crier. Et les cris même qu'il envoie là, tu vois que c'est cris de détresse. Ce n'est même pas beaucoup, ce n'est même pas grand. Il ne montre rien de. Oui. C'est là où tu sens que. Le type, s'il était isolé, il n'a jamais parlé fort. Mmh. Ça ne peut même pas s'exprimer comme ça. Ça, c'est très important. Et oui. Attends, oui. Je crois que vous avez donné un bon sujet voilà. Qu'on devait voir là. C'est même trop bon. Oui. Je veux plutôt dire qu'on risque de ne plus avoir besoin de oui. On peut développer ça jusqu'à 2 heures. Oui, il n'y a pas de problème. Des fois, tu vois quelqu'un d'autre sort. Il n'a jamais. Il n'a jamais. Changer les pas de danse. Donc, ça veut dire que ça a dit que l'émission là vous casse les côtes voilà. Ici quand vous riez. Des fois, maintenant, parce qu'on a lancé les musiques, parce qu'on veut les candidats, oui. Donc ils s'enregistrent. Oui. Maintenant, chez lui, maintenant il commence à s'entraîner. Un peu. Tu vois comment il est. tu te demandes que. Celui-ci va faire quoi? Pas compétitif. Mais pour lui, il se dit déjà qu'il est au top. Mmh, parce qu'il a jamais vu ça quelque part. Oui, il a fait la main comme ça, la main. Pourquoi? Parce qu'il était fermé. Il n'a jamais jeté la main comme ça. Alors, il y a des fois, de coup, tu peux faire ça. L'isolement, le principal. Le principal. Ou bien le plus destructif. Voilà. Mm-hmm. Parce que le mot de vie, si. Mm-hmm. Donc, on le luxe qu'on voit, la propreté, l'ordre, la discipline, se trouve en plein là, un sous-marin qui fait tuer les populations. Ce n'est même pas petit, c'est le sous-marin qu'il faut même bien regarder. Mm-hmm. C'est-à-dire que même tout ce qu'ils essaient de faire comme propreté. Ce n'est que pour dissimuler les choses. Pour dissimuler, tacher la face. C'est un tombeau blanchi. Tombeau blanchi, j'aime cette expression. Donc tu vois qu'on est obligé d'aller dans la Bible, les tombeau blanchi. Parce que quand tu rentres dans les maisons, deux maisons, c'est là où tu vas avoir beaucoup de choses. Justement, je me rends compte que l'autre, je suis sorti, et salut ta voisine qui est là-bas, elle a fui, elle est rentrée dedans. Je lui ai dit, hello. Non, pour eux, tu les déranges, pourquoi tu le salues? Dans les ascenseurs, au monde des ascenseurs, tu salues quelqu'un. Il te regarde bizarrement. Oui, pourquoi tu le déranges. Pourquoi il n'aime pas les êtres. Il n'y a pas l'amour. Tu n'as pas le programme pour le saluer. Pour le saluer. Parce que lui, il est concentré sur ses factures. Oui. Mm-hmm. Maintenant, tu le salues. Alors que la concentration ne va pas payer les factures. Alors que même la salutation peut un peu adoucir ses mains. Effectivement. Isolement. Mm-hmm. C'est la quintessence. Mm-hmm. Nous sommes ici à la maison depuis qu'on est là. On parle, on dort à 2h, 3h du matin. Mais je réussis à me lever encore à 4h, je pars au travail. Oui. Je travaille puis je rentre. Oui. Hier, il y a eu. C'était hier dans mon gars. Il y a eu un petit monsieur. On a fourré la boîte aux lettres. Oui. Depuis que vous êtes arrivé, on n'a pas regardé la boîte aux lettres. Oui. Mais les lettres arrivent. Mmh. Vous n'avez pas fait ce jeu. Quand j'ai pris les lettres ici, je voulais même un peu les placer. C'est ma femme qui me dit que. Mais ne lis pas les coloris là, laisse d'abord comme ça. Alors que le blanc, lui, il a ses lettres là. Comme il n'a rien à faire, il va tout lire. Il ouvre sa main et commence à lire. Ça lui donne le nerf. Peut-être sur le nerf, il jette là-bas. Il veut s'accumuler. Il commence à parler seul. Mais elle, elle me dit que laisse les coloris là. Déjà, tu es plus important que les lettres qui sont là. Oui. Tu déposes au côté. C'est un plus. C'est donc, parce que je donc non seulement l'isolation, il y a des choses qui créent les tensions à l'intérieur de petit à petit pour ajouter encore à cette tension. Les blancs sont très forts dans la pression, oui. La pression psychologique. Oui. Même que les lettres même que tu reçois peut te... C'est-à-dire que tu as un problème de 7 euros avec quelqu'un. Oui. La lettre que tu vas recevoir, on c'est chaque jour. Oui. On te donne les lettres, comme si tu ne payes pas les 7 euros, là, ça peut... Hey! Quand tu peux ouvrir ta boîte à lettres, ton compte à même. Qu'est-ce que je vais encore recevoir là? Les 5 euros peuvent facilement arriver à même à 1000 euros, 2000 euros. Oui. Parce que chaque fois, on te donne le surplus. Mais le problème, c'est que tout ça maintenant, c'est seulement il faut être organisé. C'est la discipline qui est importante ici. Il faut savoir que les lettres là sont là, mais toi, tu peux réagir par quoi aux lettres. Nous sommes des frères. L'autre, j'ai parlé tout à l'heure, celui-ci, il m'a d'abord approfondi. Tout à l'heure, je parlais un peu avec Aaron. Celui qui est d'abord venu me voir, il dit, mais comment est-ce que tu parles sans accent, sans problème, comme tu es dans ton pays. Il dit, mon ami, le cours de langue que j'ai fait me permet d'enseigner l'allemand. Si toi, tu as un problème de lettre, peut-être pas, balance chez moi. En moins de 5 minutes, j'ai déchiffré ta lettre. Et je pouvais connaître comment réagir. Excusez-moi. La lettre de 5 euros qui devient 1000 euros, c'est peut-être parce que tu as dit, hé, c'est l'avocat qui a écrit ou... J'ai fait quoi pour répondre à l'avocat? Pendant que tu es en train de réfléchir à ça, tu sais que là-dedans, le temps passe et c'est le temps-là qu'il veut. Non, moi, je pense que J.P. voulait plutôt dire que tu peux recevoir une lettre comme ça. Et facilement, ça se retrouve dans les mêmes choses. Pas parce que des complications. Parce que tu ne peux pas. La complication, et ça se complique pourquoi? Parce que tu n'as pas vu le temps de paiement. Tu n'as pas vu le temps passer. Tu sais que ça peut maintenir en parler langue et tu ne sais pas qu'il y a un délai. Faute de quoi? Quand tu lis, quand tu vois ça déjà, ça te choque. Et quand tu as peur, tu n'arrives pas à lire le délai. Et des fois, quand tu lis même le délai, on te dit qu'il y avait le délai comme ça, mais tu peux faire ceci comme cela. Parce que chez eux, c'est sûr que. Si tu as même 50 000 euros à donner, si tu leur dis que tu vas me donner tel somme chaque fois, et tu leur dis ça, on va te laisser. Mais c'est quand tu as 10 euros à payer, on t'envoie à l'aide, tu prends, tu déposes. Tu simplifies que c'est 10 euros. Non, tu ne dis rien. Tu dis que je vais écrire après, je vais appeler après. Maintenant, la prochaine lettre qui te vient, les 10 euros, je viens sur 115. Ta tête chauffe encore. Est-ce que ça, ils font ça à leurs propres citoyens? Tout le monde. Même là, beaucoup se suscitent. À tout le monde. Est-ce que c'est pour te... Parce que tout le monde est enregistré ici. C'est pas comme au Cameroun. Je dis que il faut traverser au Cameroun, il y a le beignet à l'école, tu te passes en plus chez moi. Non. Tout le monde est enregistré. Quand tu n'es pas enregistré, c'est toi qui es dangereux pour l'Allemand. Le joueur te met en prison. La police ne vient pas te chercher. La police vient te chercher quand tu veux. On te dit que pour ta facture, ou bien pour tel délit, on a tranché qu'on t'a réservé une chambre dans la prison de Hébèche. Et tu vas être là-bas. Il ne veut pas dépenser pour venir te prendre. On te donne une autre fenêtre pour dire qu'on t'a attendu, tu n'es pas venu. On te donne encore la chance d'être là tel jour. Je ne parle pas. Le jour où on envoie la police venir te chercher, tu vas payer aussi le déplacement de la police là. Parce que tes coordonnées sont connues, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas. Imaginez donc quand l'Antichrist va venir avec son système donc planétaire. Imaginez quand l'Antichrist va s'installer sur la Terre où tout sera informatisé et personne ne pourra plus se cacher. Voilà. Alors je pose la question. Est-ce qu'ils se rendent compte de ces choses-là sur leur propre population? Bien sûr. Ils s'en rendent compte. Et quels sont les moyens proposés par eux? C'est un système qu'eux-mêmes ils ont instauré. Ils ne peuvent même plus se détacher de là. Ça va seulement aller progressivement. Tu meurs, on dit que c'est un à moi. Mais comme ils sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas prêts à accuser leur système. Parce que ce sont ceux qui ont mis ça en place. Et bien, il faut doiter quelque chose d'autre. On cherche à doiter quelque chose d'autre. Ils font aussi la politique de l'autruche alors. Ah oui, regarde, même dans le domaine de la médecine, eux, les blancs sont généralement, je ne sais pas ce que la. Je voulais seulement dire, qu'est-ce que la Bible dit de la circoncision? La circoncision, oui. Enfin, la circoncision, pour le moment, on peut pratiquer, quand on ne veut pas pratiquer, mais ouais. pas plus de religieux. Mais les Blancs, ils ne le font pas, et même à l'époque, pourquoi ils les tuent les gens, ils vous attrapent. On entre dans les cellules, on les baisse sa culotte. Quand tu es circoncision, parce que tu es juif. On tient sur toi parce que tu es juif. Mais aujourd'hui, on ne sait pas que beaucoup de maladies dans les utérus sont provoquées par les hommes qui ne sont pas circoncis. Ils n'en parlent pas. C'est les médecins qui sont spécialistes de cela. Qui sont spécialistes de cela et qui veulent, qui a cette diabète qui en parle. Mais le monde est planétaire, on peut retrouver n'importe quelle information sur le net si on clique en un clic en disant quelles sont les conséquences de circoncision, puisque ça se trouve là-bas. Beaucoup de cancers de l'utérus, le pendu chez nous, comme ici. Ici, il y en a beaucoup plus, parce que c'est la peau là qui garde beaucoup de saleté aussi. Quelles sont donc les solutions qu'eux proposent pour résoudre le problème des suicides chaque fois, que vous avez remarqué? Comme celui-ci disait, tu allais la visite chez les psychologues, les prisons. Et vous envoie chez les psychologues. On vient t'arrêter, on t'enferme. S'ils savent que tu as des idées de suicide, ils vont t'interner, ils vont te mettre dans un endroit où tu ne peux plus même. Pour t'isoler encore davantage, pour te pousser davantage à boire. Non, ils ne vont pas t'isoler. Ça, c'est un centre où, un peu comme s'ils te rééduquaient, en quelque sorte. Mais ils ont l'œil sur toi tous les jours. Ils ont l'œil sur toi. Donc, dans la langue, ils te donnent les lectures à lire. Là, ils restreignent ta liberté comme pas possible. Parce que tu ne peux plus rien faire. Tu es sous leurs ordres. Oui, on ne met pas le couteau à côté de toi, ainsi de suite. Et tu sais, depuis, comme il a parlé tout à l'heure, tu sais à qui j'ai pensé. À mon ami qui est à Hambourg. À Hambourg. Parce que j'ai un ami à Hambourg. On faisait mathématiques à Yaoundé Frère Junior. Un enfant, c'est une parenthèse, pardon. Le fils au chef conjoint. Il devait être un des enfants du chef, un des successeurs du chef, le tannage. Et il a envolé la disjoncté. Quand il a commencé, on m'a appelé, je l'ai appelé. On m'a dit de parler de ça. Quand je l'ai appelé, il m'a dit seulement que les gens veulent me tuer, on veut me tuer. Pour lui, il voyait seulement que les gens voulaient me tuer. C'est pour ça qu'il dit que si. Le frère Junior le voit comme maintenant, ce sera peut-être pour moi un prochain challenge. La prochaine fois qu'il vient ici, je cherche à le récupérer. Et puis ce qui se passe, c'est qu'on vivait ensemble à l'université, non? Et quand j'ai appris ça, même ses soeurs m'ont appelé pour me le dire. On savait qu'on l'appelait le blanc. Les enfants familiaux étaient toujours très clairs. Si bien que nous, entre nous, on l'appelait le blanc. Donc, lui, jamais. Même dans son état, il a toujours voulu venir passer même un week-end avec moi. C'est mes frères maintenant qui sont à Hambourg qui m'ont dit que papa, tu dois amener qui comme ça chez toi. C'est très fort. Donc peut-être que tu ne connais pas qui est fou. Donc c'est ça qu'il nous a fait. Avoir peur. Oui, avoir peur. Et selon, il faisait mathématiques. Qu'est-ce qu'il a aussi amené dans ce domaine-là pour que ça arrive? Il faisait mathématiques à Yaoundé avec moi. Je suis venu ici. Peut-être que pour moi, après, il est aussi venu. Je suis ici un an, j'allais aller à Hambourg. Après, on a perdu contact, si bien qu'elle ne sait pas tout matin. Quand j'ai encore contact avec lui, on m'a dit qu'il dit genre. Bon, tout le monde veut le médecin. Médecin, qu'est-ce qui peut expliquer cela dans votre domaine, selon vous alors? Le fait que quelqu'un est un faux. Non, pas cela, le principal le thème. Suicide. Qu'est-ce qui explique ce thème de suicide particulièrement ici en Allemagne, ou mieux dans la zone européenne? Qu'est-ce qui explique? Ils ont déjà passé tout dit. Le fait que la société européenne, comment dire, est trop mécanique. Non, vous voyez la mécanique et stress. Ça conduit généralement aux dépressions. Oui. Et c'est la dépression qui pousse au suicide. Oui. Donc le suicide est un symptôme de la dépression. Oui. Donc c'est ça. Donc du coup, quand on est dépressif, on est marginalisé. On est rejeté. On se sent seul. Et on veut se donner la mort. Dans ce sens. Pourquoi ça va pousser plutôt l'être humain à penser que mieux je supprime ma vie? Pourquoi tu cet texte? Pourquoi tu cet extrait? Mieux je meurs. Pourquoi ne pas dire mieux je cherche autre solution? Non, parce qu'ils sont limités. C'est-à-dire, quand on est dépressif, on est raison plus bien. On est raison plus bien. La seule raison qui vient, c'est suicide. On a ce qu'on appelle une double personnalité. Oui. Donc Non, c'est ça. Bon, ce que moi je pense. C'est un cercle vicieux aussi. Ce que moi je pense, c'est qu'ils ne pensent pas à une autre solution parce qu'ils n'ont pas connu cette vie-là pour nous. Oui. Nous, on a fait on connaît la vie d'à peu près. Oui. On connaît la vie du bien. Oui. Donc, ce qui fait que quand un Africain, nous sommes comme les chamans, où tu es le chien, n'est-ce pas, tu réfléchis beaucoup. Où tu es le canard, n'est-ce pas, tu l'as laissé, tu tords comme ça. Donc, notre vie est comme la vie du chat. C'est-à-dire que le chat, même si tu le mets dans le désert, il peut vivre. Donc, l'Africain, il est habitué à une vie dure. De toute façon que quand on le met n'importe où, il veut s'en sortir. Il peut s'en sortir. Mais ces gens-ci, la facilité leur vie est canalisée. Comme le tomate. Tu prends aussi. Tu mets ici, tu prends ici, tu mets là-bas. Donc, si tu viens encore serrer la vis, ça les embrouille. Ça embrouille le co-système. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure, une société qui est mécanique. Ça trouble l'entropie. C'est la mécanique plus simple. Tu es sûr, quand tu as encore son oreille, c'est qu'il sera docteur. Il met tout en place pour qu'il soit ainsi. Oui, il sait que ça va marcher, il sera docteur. Alors que chez nous, il faut faire tes équations, tu réussis. À un moment donné, le coach dit que tu ne comprends pas la science. Parce que, regarde, par exemple, quand le blanc nous voit la route, il nous demande pourquoi nous sommes toujours souriants. Justement, j'ai remarqué que quand nous sommes ici, nous venons au parquet, nous sommes nombreux. Généralement, ils sortent hors de leur balcon pour nous regarder. Ils sont étonnés. D'une part, ils sont méfiants, d'autre part, ils sont étonnés. Pourquoi? Ils sont étonnés pourquoi? Parce que. Ils se disent que mais les gens souffrent, mais ils sont toujours souriants. Quel est leur... Dans ce cas, pourquoi ils ne viennent pas vers les Africains pour essayer? Pourquoi ils ne viennent pas vers les Africains pour essayer de confier? C'est ça le problème. Le blanc ne peut jamais accepter que le noir a quelque chose de plus supérieur à lui. Non. Ou bien que le noir peut lui servir d'exemple. Il ne veut pas ça, il ne veut pas ça. Parce que quoi, c'est quoi la race supérieure? Et il meurt avec la race supérieure là. Mais quand tu vois un peu... On travaille ensemble. Nous, on a même plus d'argent que le blanc. Mais là où... Parce qu'ils ont une vie extérieure. Mais nous, on a une vie interne. Parce que le blanc, on travaille ensemble. Quand tu vas voir, pour faire les calculs, pour arrondir le mois, tu vas trouver que le noir a plus de revenus que le blanc. Mais tu vas prouver que le blanc, lui, il a plus des trucs luxueux que le noir. Pourquoi? Parce que nous, on a au moins 4 vies. Oui. On doit vivre ici. Vivre en Afrique. On doit vivre en Afrique. Non seulement en Afrique. Quand on dit en Afrique, c'est-à-dire que nous-mêmes, et plus les à côté. Oui. Mais or, le blanc... Avec la grande famille que tu as laissée derrière toi. C'est ce que je dis, les à côté. Le blanc, lui, il sait qu'il a seulement à meubler sa maison. Et il cherche une grosse voiture où il va payer crédit. Et il vit comme ça, travaillant en payant des crédits toute sa vie. Et puis il remplit son frigo. Mais toi, le noir. Il remplit son frigo. Il mange des tranquilles. Pourquoi nous, on a plus d'argent que le blanc? Pourquoi? Parce que vous travaillez ensemble. Mais à quelque part, tu pars encore faire un autre job pour arrondir le mois, pour subvenir à toutes tes multiples vies que tu as à faire face. Ici. Mais malgré cette pression-là, pourquoi le noir ne se donne pas à. N'arrive pas au niveau de la pression, au point où il se donne la mort. C'est parce que nous sommes le chat. Nous vivons dans l'espoir. Notre vie n'est pas mécanique. Oui. Lui, il sait que. Ce qu'on va résoudre les équations, non on a posé les équations. Il résout. Quand tu as fait ton intelligence, ça ne donne pas, non C'est-à-dire que tu as raté l'équation, non Lui, il a raté, il n'a plus besoin de continuer. Il s'arrête là. Il a planté. Comme il a planté, qu'il faut seulement formater. Alors que nous, c'est qu'il y a un autre destin, tu peux essayer. Par oui, tu peux essayer, tu passes par une autre voie encore. Alors tu vois que par conséquent, quelqu'un comme un Africain qui a 50 ans, qui a fait un projet, ça ne marche pas, à 50 ans, il réussit encore d'aller à l'école pour faire une autre orientation. Non, oui, non. C'est vrai. Et le plan ne lui ferait pas. Regarde, je vais vous raconter une petite histoire seulement. Oui. Une fois. Quand je venais de me marier avec la plage, moi je sais que pour économiser, il faut serrer les deux boulons. Oui. Donc, le matin arrive, tu puisque ma femme d'âge aimait trop préparer. Oui. J'ai cette grâce-là que toutes mes femmes connaissent et aiment trop la cuisine. Oui. Donc, elle a préparé, il y avait trop de nourriture. Je dis que on chauffe la nourriture, le matin arrive, et dit, on chauffe la nourriture, on mange. On dit, vas-y. Que quoi? Que quoi? Je lui dis, mais il y a la nourriture là, moi j'aime manger la nourriture chaude. Tu disais comme ça là, alors que... Non, moi je disais comme ça parce que je croyais qu'on allait épargner. Et mange pas la nourriture qu'on a là, qui a dormi. Que quoi, il faut jeter. Mais non, faut faire le petit dîner. Et là, tu dois dépenser encore. Ils sont élevés comme ça. Ils savent que le matin, petit c'est fruit-tuc. Petit déjeuner. Je ne veux pas que tu racontes l'histoire comment on va manger ce qu'on a laissé hier. Non, je ne connais pas ça. Je veux manger sa vie. Et bien, dans ce cas-ci, c'est même dans une circonstance où on ne peut pas obtenir ce cela. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et je fais non, je vais encore ajouter. Comme on vit ici, non, il y a les supermarchés, les lettres aussi, de la langue à dire. Tu peux aller acheter le pain là, le soir comme ça. Le matin, tu chauffes, ou bien tu enlèves le congélateur, ça dégivre, tu manges. Et puis il y a aussi des petites boulangeries tout dans le coin. Le pain que tu vas acheter à 13 centimes dans les magasins là. Ici, tu vas acheter peut-être 1,20€. Même peur là. C'est ça, elle préfère attendre le matin pour aller prendre le tonnerre. Alors qu'elle pourrait prendre dans la nuit, venir mettre dans le four le matin. Donc, il n'est pas quelque chose qui va le compliquer. Non, elle veut quelque chose de frais. Tous les jours. Elle veut appeler le pain frais. Voilà. Ça sort là. Et justement, pour les bonbons. Les enfants partent mettre MRSR. Donc, on peut aussi dire donc, que la difficulté que passe le continent africain leur pousse aussi à rechercher plus d'espoir pour s'en sortir. Par conséquent, ils tiennent beaucoup plus à la vie que les gens qui se croient arriver. Et ce qui donne l'énergie, ce qui donne plus d'énergie à un Africain, c'est parce que quand on regarde nos pays, où tu peux travailler, quand je parle du travail, je regarde plus les maçons qui travaillent dur dans le sous le soleil, où tu peux travailler tout le mois, tu n'es même pas sûr qu'on va te payer. Alors, quand toi, le mois, tu arrives dans un pays où tu sais que travail égale argent, tu es prêt à mourir. Mais tu te laisses aller. Tu es prêt à mourir, non? Et puis tu fais comme ça 25 ans sans avoir une seule journée d'aller le salaire un jour. Parce que tu es sûr que tu vas travailler, on va te payer. Tu sais que l'argent passe dans ton compte tel jour. Chaque jour. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Là où tu es prêt maintenant, Aïda dit que tu ne dors pas. Tu viens, tu pars. Tu mets ton réveil à l'heure, tu dois être là. Attends. Est-ce que l'élément, la croyance au Seigneur Jésus-Christ n'est pas l'un des facteurs qui pousse les gens aussi à ne pas regarder dans cette direction-là et puis ils se donnent la mort, puisqu'ils savent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, il n'y a plus rien, ils savent qu'il n'y a plus rien après cette vie, ils ont mieux s'y supprime. N'est-ce pas cette incrédulité qui fait qu'ils peuvent te donner la mort sans s'en rendre compte qu'ils vont dans l'au-delà souffrir. Je peux attaquer ce sujet-là directement en parlant du capitalisme impérial. Nous sommes dans un monde capitaliste. Il y a beaucoup de religions qui, c'est-à-dire que catholicisme, protestant, pentecôte, tout ça. Les gens qui sont ici, qui pratiquent ces religions-là, ou bien qui sont les responsables de ces religions-là ici, on leur dit que voici les bornes que vous avez à traverser. On leur fixe les bornes, leurs limites. Les bornes sont fixées. Par l'État. Par exemple, pour les normes européennes, par exemple. Oui, pour les normes européennes, ou bien même pour les catholiques, c'est depuis Rome. Et même chez nous, c'est ce qui se passe, et les gens ne savent pas. Il dit que mon frère était évêque. Quand on te nomme évêque, le premier voyage que tu fais sur le Vatican. On te dit que tu as quand tu vas au Vatican, on te dit combien d'hectares de terrain tu as, combien d'églises tu as, et ce qu'on attend de toi. Ce qu'ils ne sont pas prêts à le dire. Ils ne s'ouvrent pas. Mais pourquoi ça, ils gardent ça comme étant secret? Pourquoi ça doit être un secret? On va te dire que c'est le secret de l'Église. Il se lève chaque jour et prie. Donc tu dis sur la voie de démonstration du capitalisme à outrance. Oui, c'est juste que c'est le capitalisme à outrance. C'est-à-dire qu'eux ici, même à l'église, quand tu vas à la messe, quand je partais à la messe, c'est la messe dure 45 minutes. Ou pas plus, pas moins. Ça ne doit pas passer, traverser. La moindre, c'est chronométré. Je suis allé un jour avec sa grande soeur, on a fait venir sa cousine. Donc dans ce cas, la messe devient comme un tremplin pour, aussi, pour se distraire dans un période de temps. C'est-à-dire que tu peux demander à quelqu'un, attends-moi juste 15 minutes. 46 minutes la première heure. Oui. Parce que, tu es sûr qu'à telle heure, tu vas vous retrouver. Je suis allé la première fois que je vais aller dans moi en Allemagne. Oui. On a fait venir la soeur de Farouk, sa cousine. Mmh. Elle parle dans sa livre. Elle est aussi chez elle. Mmh. Elle vit quelque part ici. C'est moi qui ai tout fait pour cette fille. Jusqu'aujourd'hui. Mmh. Quand on avait cherché un travail de nettoyage pour elle, mmh. elle devait être elle nettoyait dans une maison et la maman de la maison est décédée. Mmh. On l'a invité à l'enterrement. Mmh. Le jour où on arrive à l'enterrement, on dit que l'enterrement c'est à 10h. Mmh. On est arrivé là-bas peut-être vers 9h45. On était assis comme tout le monde. Parce que dans chaque cimetière ici, il y a une petite chapelle. Mmh. Et le bien que ceux qui sont invités, c'est pas que tu entends au cas où d'avant quand on est là, on ne pleure pas, on ne se met pas. C'est après peut-être 3 mois que tu vas entendre que quelqu'un est décédé. Donc rien de ça, vous avez personne ne pleure. Ah, non. Tu déranges les gens. Mais les gens disparaissent comme ça. Ton voisin peut mourir là, tu ne sais pas. Peut-être c'est tu vas avoir seulement l'ambulance qui peut oui, puis. On vient porter le con, ça. Terminé. Non, ton voisin d'en face est décédé ici, non. C'est. Et son grand frère vivait quelque part ici là. Oui. Aussi. Son grand frère ne savait pas. Son grand frère, c'est lui parce que c'est. Après quelques jours, qu'on a appelé. Les sapeurs-pompiers sont venus prendre le corps, partir, et puis on a désinfecté la maison et tout. La voisine en face. Et la voisine, comme ça, elle vivait seule. Oui. Quand il y a la neige, on dit que il y a le plan qui est asphyxié là-dedans. Là. Oui. Quand il y a la neige, non. Ou bien on dit que c'est ta semaine pour nettoyer la neige. Oui. C'est quand je suis arrivé ici, frère Junior, peut-être que la France était déjà, comme vous disiez hier soir, depuis l'époque, ou bien dans l'ordre. Quand vous étiez prédestiné et je ne savais pas, t'as su, la femme là, finalement c'est à moi qu'elle disait bonjour ici. Parce que quand je suis arrivé ici, il y a le plan affiché. Mmh. Bon, c'est ton tour de nettoyage. Quand la neige tombe, c'est toi qui nettoies telle semaine. Mmh. Elle était âgée. Elle était âgée. Et nonobstant que tu sois âgé, tu sois malade ou pas, tu es censé nettoyer. On ne peut pas savoir. Quand ça arrive son tour, je vois la mère là. Elle n'était même pas trop âgée comme les autres. Oui. Je la vois ici en train de nettoyer. Alors je me suis approché de elle, j'ai dit à maman. Quand on mettait nos choses ici dedans, ça a fait du bruit. Mmh. Elle est la seule qui est sortie ici là. Elle a crié sur tous les toits, appelé tous les voisins pour dire que les Africains sont encore venus, ils font du bruit. Maman a dit, c'est pas bien. Mmh. Je lui ai demandé pardon. Mmh. Quelques mois après, il neigeait. Mmh. Je l'ai vu là-dedans en train de nettoyer. Mmh. Je suis sorti pour maman. Depuis que je suis là, pour savoir que c'est fini. Mmh. Ton tour de nettoyage, c'est moi qui fais. Donc tu lui as dit que c'est ton tour de nettoyage, à son tour de chaque fois, c'est toi désormais qui vas faire. C'est moi qui dois faire. Mmh. Je ne dois pas malgré le cri qu'elle avait fait au-dessus de toi. Non, je ne vois pas ça. Mmh. C'est moi qui dois faire ça. Mmh. Parce que chez nous, on ne peut pas laisser une maman travailler comme ça. Une maman comme toi ne doit pas faire des choses comme ça. Mmh. Elle me dit comment tu dis, frère. Que je te le dis. Donc une maman de son cas. Une maman de son niveau, n'est-ce pas, est supplée de cette version. Imagine pas, parce que généralement. Ouais. D'autres moments, quand tu offres cette aide, elle te dit non, elle a peur. Bien te payer. Parce que tout est normal, normalement, tous les services sont normalement payants. Non. Même quand tu vois une maman qui est tombée, une fois une maman est tombée dans, à l'autre de moi, elle saignait. J'ai voulu la relever, elle dit non. Elle pourquoi dit non. Parce que quand tu vas voir quelqu'un, je te le soulève gratuitement. Donc tu dis d'abord, tu te dis, pourquoi ton service est gratuit. Elle te dit non, parce qu'elle ne croit pas. Elle se demande qu'est-ce que motive à le faire. Pourquoi tu dois le faire? Donc il y a vraiment un élément, l'élément amour. Pourquoi est-ce que tu dois le faire? Non, il ne comprend pas comment tu peux l'aider. Tu vas l'aider pourquoi? Ici c'est l'individualisme. C'est ça, individuel. Quand tu vois une maman prendre le taxi chez nous, tu vois comment elle est en train de se battre que le taximan diminue 25 francs. Mmh. Arrive ici dans le supermarché. Peut-être, si tu veux, on va faire les courses demain ensemble. Mmh. On arrive à la caisse. Une maman est devant nous. Si elle paie ces choses, un centime. Tu vas rembourser ça. Tu dis que maman, pardon, laisse comme ça, je vais payer les 1 centime. Non, j'ai remarqué cela. J'ai remarqué. En Suisse, on a fait un cas comme ça. Elle va refuser. Elle va reprendre ton argent. Alors, et même quand vous êtes marié, c'est-à-dire quand vous allez à deux, on divise, voilà, chacun paie sa part. Et ça, c'est dans le foyer. Même dans le foyer, il y a l'individualisme encore. L'Allemand achète sa voiture, il va lancer dans sa femme. Et même le mariage se fait sous contrat. Oui. C'est-à-dire que quand vous vous mariez, chacun, vous faites un contrat. C'est-à-dire que chacun gère ses biens. Personne ne va... Mais si vous vous séparez, chacun va avec le bien. Effectivement. Parce que ça dépend maintenant des contrats. Ça dépend maintenant des contrats. Si vous avez fait un contrat où vous mettez vos biens ensemble, à ce moment-là, lorsque vous vous séparez, vous devez liquider ces biens et diviser la... Et ces contrats peuvent aller au niveau de... On détermine le nombre de temps qu'on va vivre. Il y a également ce contrat-là. Tu sais que votre mariage, c'est peut-être un nombre de temps. Bien sûr. Après, c'est là où vous vous séparez. Oui. C'est qu'est-ce qu'il y a, vous, vieux ou la contrat? J'ai mon collègue qui est ici à Vanpa. Oui. Alex Eman. Il est un des responsables chez la société. Oui. Car on le connaît bien. Dans le conteneur qu'on a envoyé, oui, il y a un salon pour lui, il m'a donné. Oui. Il vit dans une maison comme ça, là, avec sa femme. Oui. Tout à l'heure, quand on... je ne sais pas si c'est à vous que j'expliquais que non, je ne sais pas si c'était ou à vous que j'expliquais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alex vit avec sa femme, ils ont acheté une maison. Il demande Alex, bien, vous avez acheté votre maison à combien? Il ne connaît pas. Il dit qu'il a son. Il a son, sa partie, c'est pas sa partie. Attends. Comment? Mais ben, sa femme a acheté. Tu ne comprends pas l'allemand? Ma femme a acheté sa partie, j'ai acheté ma partie. Mais j'ai demandé le prix global. Ça veut dire que tu connais ton prix et tu connais ce que. Elle me dit, il me dit qu'il ne connaît pas combien ta femme a acheté. Sa partie. C'est terrible, non? Ils ont acheté la maison en étage. Il a acheté le bain, la femme a acheté le haut. Mais il ne connaît pas pour combien la femme a payé pour le haut. Il ne connaît pas pour combien. La femme ne connaît pas pour combien il paye. Ils vivent ensemble. Dans la même maison. Dans la même maison. Ils ont acheté ensemble. Et ils dorment dans le même lit. Oui. Et puis je demande comment. Vous allez terminer le pays quand? Il dit qu'il ne sait pas. Il sait quand est-ce qu'il va terminer le pays pour lui. Mais il ne sait pas quand est-ce que sa femme va terminer le pays pour elle. Et est-ce qu'ils se disent vraiment que je t'aime? Mais ils se disent ça vraiment beaucoup. Mais est-ce qu'ils les aiment vraiment là? Et cela scelle... Ah, maintenant, c'est, je dois être un peu gras. Cela scelle si bien qu'ils n'ont pas envie de faire des enfants. Parce que les enfants vont gâter leur enfant. Et ça, c'est encore notre contrat avant de se mettre ensemble. Et même quand ils ont, les enfants, à un âge... Il faut qu'ils éliminent les enfants. Non, si l'enfant est dans la maison, il faut que l'enfant commence à contribuer. Oui, l'enfant commence à payer. L'enfant commence à payer pour ses propres choses. Payer même pour la location, payer même pour manger, par exemple. Alors que c'est dans la maison de tes parents. Bon, mais l'individualisme commence dès la naissance. Quand l'enfant est petit, ben, l'enfant doit avoir sa chambre et ses choses et son espace privé. Ça commence dès là. C'est comme ça que ça commence. Oui, c'est pour ça que lui, on crie sur lui quand il a les enfants. Parce que... On ne comprend pas comment il parvient à faire. Si cette personne est rentable. Tu as 5 enfants et que tu n'as que 4 chambres. Oui. C'est pas normal. Chaque enfant. Qui vont encore au Cameroun voir comment on se couche au sol, chacun tout l'endroit, qui peut coucher. Là, c'est le si tu vois un enfant dans sa chambre, tu ne peux pas entrer n'importe comment. Tu toques. C'est son territoire. Même son père va toquer. C'est ton territoire. Il te dit que tu entres ou tu... Donc, ça veut dire que dès l'enfance, on dresse les enfants contre les parents. Dès l'enfant, on dresse l'enfant à être... C'est à l'école que ça se passe. Et tu t'amuses, il te porte plainte. On te dit, quand l'enfant arrive... On dit ses droits. La première des choses qu'on lui dit, c'est le numéro de téléphone. Oui. Qu'on lui dit qu'il doit appeler quand il est dérangé par ses parents. Tu appelles la police aussi. Alors, si tu es dérangé, l'enfant appelle, on vient te l'enlever. Oui. On l'envoie. Ils ont un service qui s'occupe rien que des enfants. Et ce service-là a des juges. Ils ont spécial pour ça. Ils ont des avocats. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça. Et comme tu es rentré l'autre jour en Allemagne, là, oui, avec la soeur de la soeur, oui, si vous entrez comme ça avec un enfant, oui. Donc, ce jour-là, on doit chercher à savoir comment est-ce que vous entrez, ce que vous venez faire avec l'enfant. Si l'enfant vient en vacances, oui, encore on accepte. Oui. Mais si l'enfant vient peut-être pour regroupement familial, on commence à cibler. C'est depuis l'aéroport qu'on doit savoir où est-ce que l'enfant est enregistré. Oui. Dans quelle école l'enfant est inscrit. Parce que si après 2 semaines, il ne va pas à l'école. La mairie de ta zone, oui, ne dit pas que tel enfant est inscrit, on l'a venu te demander où tu as mis. Et celui-là, par exemple, tu récupères l'enfant. Et quand il récupère ça, est-ce qu'il forme bien dans l'enfant? Non. En résumé, on peut dire que c'est une société gâtée, pourrie à l'intérieur, dont la priorité est d'aller doucement. Là, par exemple, la question que tu as posée là maintenant, je peux te dire que c'est une question de chance. Parce qu'on peut prendre ton enfant, on confie au pervers. Oui. Tu sauras comment. L'enfant grandit dans la perversité. Dans l'homosexualité et tout. Ou même aux autres sections, non? C'est ça dont on parle. Comme ici aussi, deux hommes ont le droit de se marier, ou bien deux femmes ont le droit de se marier, on peut les confier à l'enfant. Ou bien on envoie quelqu'un qui est dans une secte pernicieuse, voilà. Dans un stasin. Donc c'est cela que l'enfant aussi va grandir avec ce système. Et puis les gens qui sont en demande des enfants, ils font les demandes et ils envoient à cet organisme. C'est eux qui choisissent l'enfant, mais non, qui vont envoyer l'enfant. Quand on ne regarde pas leurs parents, on ne juge pas leurs parents. Le problème, ils regardent bien, mais le problème, c'est que ce n'est pas tout que tu peux savoir. Oui. C'est-à-dire, quels que soient les enfants. Il y a des choses qu'on ne peut pas te dire. Choses que tu ne peux pas savoir. Il y a encore un étranger. Tu ne peux même pas connaître où l'enfant est. Mais moi, jamais donné à un noir. Les enfants qui s'enlèvent, tu ne vas jamais voir. À moins que ce soit un enfant noir. Là, ce n'est pas sûr. C'est ça que je dis toujours, que les gens aiment ici dire que Hitler était mauvais. Que ce qu'il a fait, la majorité des Allemands ont ça dans leur sang. Dans le sang. Et puis. Et il répercute la même chose pensée, dites-les sans. Un exemple qui est très simple, voici un médecin. Oui. Est-ce qu'on a connu ça avant? Tu ne peux pas donner, tu ne peux pas donner le don de sang ici-là, dehors, tant que tu n'es pas allemand de souche. Voilà. Même s'ils font semblant de prendre, après, ils vont détruire. Ils vont détruire ce qu'ils ont enlevé de toi. Si tu n'es pas allemand. Des souches. Si tu donnes le sang, il prend pas. Non, pas. Pourquoi? Parce qu'ils conservent votre sang comme souillé ou quoi? Oh, ils ont besoin de sang. Si tu es métis, tu donnes. Puisque si par exemple, on enlève le sang du singe, oui. Tu peux accepter qu'on injecte ça sur toi. Et donc, c'est dans l'hypocrisie, puisque tu avais avec vous chaque jour, même ils ne peuvent pas vouloir ton sang. Ah non, pas pour ils veulent pas. Un des trucs qui fait this commence à réfléchir qu'il faut qu'il continue. Il commence à aller à l'hôpital pour travailler sur les gens. Il dit qu'il a rentré quelque part. C'est un pater qui est malade, non? Elle dit qu'on peut travailler sur lui pourvu que le noir se mette dehors. J'ai vécu ça. Attends. Ça veut dire que ton fils qui est en médecine, il est à l'hôpital, il y a un blanc, un allemand qui est malade. Et il est parmi les médecins qui doivent aller le soigner. Oui. Et c'est le malade qui dit que, à condition que le noir se quitte. Qui se mette dehors. Pas qu'il soit à côté dans la maison, dans la chambre. Oui. Qu'il se mette dehors. Il ne veut pas le voir. Parce qu'il ne croit pas que toi, le noir, tu peux. Ok, si maintenant que c'est le noir qui est chef d'équipe, peut-être en chirurgie, celui qui est le plus performant, il va faire comment? Il va préférer mourir. Peut-être qu'on va se le noir. Il sort. Parce qu'ils ne font pas confiance. Ils ne veulent même pas déjà te voir, ils sont jaloux. Oui. Mais lui aussi, il subit ça. Oui, toi, tu es médecin, tu es subi, c'est la même chose comme on l'a dit là. Oui, c'est la même chose. Nous, nous subissons ça. Et donc, la majorité des médecins, les gens, ils finissent. Vont dans d'autres pays, au Canada, en Angleterre. Où c'est où la pression est moins. Ils sont habitués à la migration. Donc, la majorité des gens qui sortent, la majorité, ils sortent. Bon. Donc après avoir fini la formation, vous allez seulement quelque part. Donc ça veut dire que toi-même tu es préparé comme ça. Non, le mieux c'est que ce sont les enfants maintenant qui ont un ami. Mais sinon, moi je pense maintenant à la Suisse, à Genève. Oui. Parce qu'ici, ils sont mal à l'aise. Ils sont tellement mal à l'aise. Très mal à l'aise. Mais est-ce qu'au pays, dans les pays africains, les gens sont conscients de cette mal-ci? C'est-à-dire que ceux qui. Le flux migratoire. Non, ils sont pas conscients. Les gens ne sont plus venus que oh, l'allemand est bon, pas comme on peut voir à la télévision. Pas du tout, ils sont pas conscients. Ils viennent découvrir sur place. Ouais. Ça veut dire que si vous avez des gens en Afrique qui souhaiteraient venir, vous allez les conseiller, ils ne viennent pas venir en allemand alors. On va les conseiller, mais on a du mal à le faire. Parce que quand tu conseilles, ils ne comprendront jamais. Ils vont te dire que tu fais du réussir, tu ne veux pas seulement qu'on réussisse. Si c'est aussi mal, pourquoi toi tu restes toujours là? Qui a fait ton expérience? Voilà, si je t'avais dit, tu ne savais pas me comprendre, viens. Et quand tu viens, tu as un choc. C'est un grand choc. Et ça peut créer un traumatisme. Bon, attends, si il comprend très bien, d'après ce qu'Olivier a dit, il a dit que l'esprit de Hitler, le nazisme de la race supérieure, la considération de la race supérieure allemande, de la vie Adolf Hitler, se trouve en plein chez les Américains. Il a donné un cas d'espace. Dans ces cas, pourquoi dans la politique migratoire, il donne des visas, donne les inscriptions dans les écoles, les Africains qui doivent menacer plus tard. Qu'est-ce qui explique cela? Non, c'est la politique. Vous montrez un peu la politique. Les Allemands, c'est des gens qui sont prêts à tout pour l'argent. Donc, ce qu'ils veulent de nous, c'est l'exploitation. C'est prendre notre argent, c'est notre poste de force. Oui. Parce que ça fait bon. Dans ce type de visa-là, ça veut dire que les Africains mentent. Oui. Beaucoup mentent, ils font de fausses prises en charge. Oui. Ne dépose pas vraiment la caution, ou bien achète la caution, oui. Ils savent très bien. Oui. Mais ce qu'ils recherchent maintenant, c'est qu'ils savent que quand tu vas venir ici, les deux premières années là, oui. Tu vas devoir dépenser pour aller au cours de l'an. Oui. Tu vas devoir payer ton assurance. Oui. Donc, si tu ne fais pas ça, justement, on ne te prend pas le visa parce que ça, c'est la première condition. Donc, quand tu montes, tu descends, tu auras peut-être tes frères, tes soeurs, l'argent va sortir pour payer ça. Dans un pays hypocrite. Voilà. Et les deux ans là, donc seulement donc, les deux ans que tu auras à faire le coup de l'an là, oui. Le coût serait à plus de 8 000 euros, 8 à 9 000 euros. Oui, vu les deux ans. Pas plus de deux ans, pour un an. Seulement un an. Donc, 8 000 euros, un an. 8 000 euros. Donc quand tu donnes l'assurance, à manger, la location, même si tu es même si tu es chez quelqu'un, pour bien sûr que le coût de l'an. Tu vas se participer. Oui, et l'assurance, on va voir tout ça. Donc ils savent déjà que quand tu viens, tu es pris comme un touriste. Et le touriste, donc. Il doit être censé dépenser ce voilà. Donc tu as dépensé cet argent les deux premières années. Ça c'est sûr, ça c'est déjà assuré. Et maintenant quand ça sera fort. C'est pour l'intérêt de leur pays. Voilà. Quand ça sera fort, soit tu as pu supporter, tu vas rentrer. Soit on va t'expulser, soit tu vas aller travailler. Si tu as pour intérêt. Tu vas devoir aller travailler pour rassembler cet argent, encore 8 000 euros pour prolonger d'un an. Tu vas rassembler ça, tu vas travailler. Et quand tu travailles, bon, ils sont fiers, c'est comme ça. Donc ils prennent ton argent. Et, bon, ils prennent ton argent, ils prennent ton temps, ils prennent ta force, énergie, mais ils ne veulent pas de toi. Tu payes les impôts. Oui. Et puis, après, quand tu. Tu as un peu, quand tu es un peu fatigué, 4-5 ans. Oui. Bon, on te tend le petit piège. Oui. On dit, bon, voilà, où sont tes deux? Qu'est-ce que tu as fait? Ou bien, où est l'argent dans le compte? Ah, tu peux. Quand tu peux finir l'argent dans le compte, bon, alors rentre. Et quand tu rentres, on fait venir de jeunes personnes encore. Pour faire la même chose. Et ainsi de suite, oui. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, mais la politique est un peu échouée parce qu'on se rend compte qu'il y en a qui viennent et font les enfants métis, font les papiers. Eh bien, dans ce cas, pourquoi ne mettent pas une politique par rapport au temps de mariage? Pour bloquer le mariage? Oui, oui, mon frère. Voilà, en fait, je ne vais pas réfuter ce que le frère a dit, mais je pense que c'est une analyse un peu superficielle de la chose, dans la mesure où les Allemands, en fait, c'est des génies, hein, en ce qui concerne justement le domaine économique. Le domaine économique, donc ça veut dire qu'ils ne comptent pas seulement sur ça pour s'enrichir, c'est vraiment très minime. Enfin, je ne veux pas trop réfuter cela, mais il faut voir la chose, n'est-ce pas, sur le plan spirituel et dans sa globalité. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai touché le plan spirituel? Je sais, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'ancien de la parole de Dieu, c'est que nous évoluons, bien sûr, vers le nouvel ordre mondial. Voilà, le nouvel ordre mondial, en fait, c'est un ensemble, c'est en fait le fait de réduire le monde en un ensemble. L'esclavage. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut un monde pour tout le monde, d'accord? Qui aura un seul dirigeant, qui aura un seul tour, qui aura un seul tour, qui aura un seul tour. Et pour cela, il va falloir, n'est-ce pas, qu'on détruise les cohésions sociales où il y en a encore. Et vous savez qu'un peuple se sent uni lorsque c'est le même peuple, lorsqu'il n'y a pas de mixité. C'est-à-dire que s'il n'y a que les Allemands entre les Allemands, ce sera difficile de détruire cette cohésion sociale. Et ce sera difficile également d'évoluer vers le nouvel ordre mondial. Il faut donc trouver, puisque ce sont les satanistes qui sont au-dessus de tous les États de nos jours, que ce soit Merkel, que ce soit Macron, que ce soit n'importe qui, que ce soit Obama, ceux-là qui promeuvent, n'est-ce pas, l'installation du nouvel ordre mondial. Donc, ils veulent en fait détruire cette cohésion. Voilà pourquoi ils introduisent la mixité partout, n'est-ce pas? Et cette mixité est rapidement introduite à travers la migration. La pression migratoire. C'est-à-dire que les Africains qui viennent ici, ce n'est pas pour les beaux yeux de ces gens-là. Leur maître Satan veut justement qu'ils fassent cela, d'accord? Parce qu'un Africain qui arrive ici. Alors, pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce que c'est très facile pour un Africain d'obtenir les papiers lorsqu'il fait un enfant avec un Allemand, une Allemande. Pourquoi est-ce que c'est très facile pour un Africain d'obtenir les papiers lorsqu'il se marie à un Allemand? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Il va te pousser d'aller dans le péché. Voilà, c'est parce qu'on veut justement que ces Africains se mettent avec les Allemands, question de créer, n'est-ce pas, justement, ce métissage dans la société. Quand il y a métissage dans la société, il n'y a plus cette cohésion sociale du départ. Voilà pourquoi le Seigneur a toujours voulu que les Israéliens soient seuls, parce que c'est un peuple pur et tout et tout. Voilà pourquoi il est réuni de où ils sont, parce qu'il les connaît. Et parce que quand on est pur, il y a justement cette cohésion sociale. Et avec une cohésion sociale, on ne veut pas, n'est-ce pas, se mettre sous, n'est-ce pas, la tutelle d'un seul homme dans le monde entier, donc qui est-ce qu'il soit l'antéchrist, tu vois, ce n'est pas une tendance qui s'observe juste dans la société allemande, ça s'observe partout dans le monde entier, que ce soit au Canada, que ce soit la France, que ce soit partout. Et lorsqu'on prend par exemple 2015, en 2015, il y a combien d'immigrés qui sont arrivés en Allemagne, partant de tous les pays, et surtout les pays musulmans. L'Allemagne qui est en fait traditionnellement une société catholique, c'est-à-dire qu'une société où la chrétienté est la religion, la seule religion qu'on ne connaissait pas. Mais de nos jours, il y a beaucoup de musulmans qui arrivent en masse. C'est ceux-là qui vont les détruire. Voilà. Donc, le problème, c'est quoi? C'est un mélange qui va faire ce qui soit difficile pour telle personne de dire que je suis allemand. Je suis citoyen du monde. Et donc, avec ça, l'antéchrist fait son apparition très facilement. Donc, c'était des melting pot spirituel qui va causer préparer un cocktail molotov pour pouvoir faire exploser la population. Voilà, pour pouvoir, n'est-ce pas, justement, mettre la population sur le plan spirituel. Mais là, il y a un paradoxe sur le plan physique. Il y a tout ce plan physique, un paradoxe qui semble entendre. D'une part, les Allemands de souche aiment les Allemands de souche et ne veulent pas les Africains. Voilà. Comment donc ils ouvrent cette brèche-là par rapport au mariage pour qu'une Allemande, jusqu'à ce qu'une Allemande commence à aimer un noir et accepter de l'épouser? Très rapidement, non, et puis lui, il prend la parole. Alors, il s'agit, n'est-ce pas, d'une manipulation médiatique. Oui. Alors, si tu vois le spot tout le temps, comment il dit « Welcome to the migrants », il faut à ce que tu aies pitié, en fait, que tu aies, n'est-ce pas, ce penchant pour aider. Oui. Et les Africains, et les Allemands, par moment, quand tu les manipules, tu vois, tu touches justement leur cœur, enfin, tu les touches à un niveau où elles sont prêtes à faire tout. Oui. Même à se mettre avec un noir. Non, il croit que dans ces laboratoires, comme ça, on le voit, maintenant, il y a quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que tout à l'heure, il a parlé de son mari avec une blanche. Frère Junior. Oui. J'aimerais vous répondre très clairement à cette réponse. Oui. À cette question. Le problème, c'est que, d'après mes expériences, un vrai blanc est marié par un Africain. C'est pour ça qu'il dit que c'est un paradoxe. Oui. Très bien. Un vrai blanc est marié par un Africain. Pourquoi? Parce que nos deux cultures d'abord sont incompatibles. Voilà. Il y a d'abord ça. Et de deux. Ça veut dire que malgré qu'ils soient dans leur culture et que les cultures les créent problème, ils ne veulent pas s'ouvrir à d'autres cultures. Non, quand ils ne veulent pas s'ouvrir, je vais te dire pourquoi. Alors, tu as posé la question. Oui. Pourquoi alors les blancs marient les noirs? Malgré cette. Je vais te répondre très clairement. C'est que un vrai blanc est marié par un Africain. Un blanc qui marie un Africain, c'est que ce blanc-là a des problèmes. Il y a des intérêts aussi à choisir. Voilà. Et le noir qui marie un blanc, parce qu'il a les problèmes, qu'il a les problèmes de papier. Donc ce n'est que partie de mise, c'est intérêt. Oui. Donc le blanc qui épouse le noir, quand tu regardes bien, c'est que dans sa société, il est rejeté. Oui. Il n'a plus de chance. Donc il n'a plus de chance. Oui. Il est vieux. Parce que le blanc fonctionne comme ceci. Quand tu vois le blanc ici avec une femme, tu vas trouver que. Quand tu regardes bien, ils ont approximativement même âge. Même âge, ils sont vus ensemble, ou bien. C'est-à-dire qu'ils ont fait la maternelle ensemble, ils ont fait le lycée ensemble. Donc, ils sont allés à l'université ensemble. Donc quand ils sont nés, ils ont commencé à aller au vélo ensemble, à natation. Au vélo ensemble, après maternelle ensemble, jusqu'à ce qu'ils se mettent. Même la piscine, il a vu presque. Il a vu ses jambes matinées. C'est comme ça. Mais lorsque. À cette période-là, tu as raté de connaître une fille, là où tu vas retrouver que celui-là est seul. Alors, le moment venu, il ne sait plus s'ouvrir à une autre personne. Il ne peut pas aller comme ça, comme par exemple, nous, on marche à l'autre, nous sommes civils. Tu vois, peut-être une femme qui marche avec. Si c'est de la draguer. Ils ne font pas ça. Si c'est l'insulte, c'est-à-dire que tu considères une personne comme une prostituée, pour te porter plainte. Non, on ne fait pas ça. On ne peut même pas oser. Donc, il disait que. Dans ça, étant dans la détresse, donc maintenant, c'est là où il se jette sur les Africains. C'est les Africains. Au lieu que je meurs seul, je préfère prendre un travail par les Africains. Voilà. Donc, le blanc, quand tu regardes bien, le blanc qui épouse un Africain, tu vas trouver que, peut-être parce qu'il est rejeté par la société, il n'a pas trouvé sa part. De deux, tu vas trouver que soit il était marié, il est enclavé avec des crédits. Et c'est la personne qui va l'aider à payer. Amen. Donc, toi qui viens maintenant de noir, peut-être que tu as dit là. La seule solution pour changer son statut, c'est de te marier. Soit tu commences à chercher que peut-être que celui-là t'enceinte, ou bien tu te maries pour avoir le papier. Après, bon, quand les gens vont te voir marcher là avec un blanc, tu vas dire, elle est mariée. Et par conséquent, un Africain qui a 20 ans peut aller accepter un maman de 70 ans. Oui. Pour épouser. Ça, c'est même rien, 80 ans. Tu vois même à la gare là, j'ai vu une scène là. Il y a un Sénégalais. Il y a un Sénégalais. Pour les questions là, justement. Il y a un Sénégalais. Et le bas, c'est que quand vous vous mariez comme ça là, vous marchez en route. La blanche, c'est vente. Elle veut que les gens sachent que c'est elle qui t'a. Et qui est. Qui est ta tanga. Amen. Donc, tu vois, quand la maman a été fatiguée, deux fois, tu vois, elle marche, tu vois le corps ne répond pas, elle tremble. C'était une femme âgée. Elle très. Du fois, le corps avait lâché. Tu te demandes. Et le Sénégalais avait à peu près quel âge? Tu te demandes même que celle-ci même peut encore prendre l'eau. Oui. Le Sénégalais était encore tu vois les gens qui ont les muscles, c'est l'ouvreuse en partie. Tu vois comment. Les pectoraux sont durs. Tu connais la tête. D'ailleurs, parce que même tu es la maman là. La grand-mère. Mais est-ce que c'est courrier? Donc, à la gare, tu disais que tu voulais raconter une histoire. Donc, à la gare. Tu vois, le Sénégalais est devant parce que c'est comme ça le système. Donc là, le Sénégalais veut marcher comme si il est seul. La femme aussi crie par derrière que, mais attends-moi alors. Que Dieu attends-moi alors. Elle fait comme si elle se fâche. Elle s'arrête. Le gars fait comme ça. Quand les gens le regardent, il fait comme s'ils sont pas ensemble. Et la grand-maman, elle est là-bas, elle arrête pour vous l'embrasser. Et il dit, quand il se marie dans la maison, il s'embrasse de la bouche, de bouche à bouche. C'est dans la maison. Est-ce que tu peux refuser de te marier comme ça là, que le maître te donne ton papier? C'est une forme d'esclavage. C'est une forme d'esclavage. Non, tu as juste lié à l'esclavage pour avoir le papier. L'esclavage à tous les niveaux. Oui. Là, je me tourne. Il y a un exemple que tu voulais dire. Tu as arrivé. J'ai mis pause parce qu'il était en train de suivre pour pouvoir revenir là-dessus. On était au niveau du cimetière et il était question que quelqu'un était invité. Tout le monde, vous êtes venu à 9h. On y va. Ah oui, ok. Là, ouais, tu me rappelles bien. On est arrivé. Mets-moi le cas. On est assis à l'église. L'enterrement est prévu à 10h. Même 10h moins 5, rien n'est encore fait. À 10h moins quelques secondes, j'ai entendu la musique faire tac. Le prêtre est entré. Tac. Il avait quelques 5 minutes là, parler de la mort, comment quelqu'un meurt, il va au ciel, il va à ça. Puis on sort pour faire l'enterrement. Personne ne pleure. Non, personne ne pleure. En fait, il met des lunettes noires. Après ça, quand on va sur la voie, on va enterrer. Et là, ça va choquer. J'étais avec la cousine. Mais soit on voulait dire qu'on est trop là, on voulait quand même se faire voir. On était loin devant nous. Donc le prêtre est venu se placer devant nous. Et là, je regarde le prêtre comme ça. Il avait le boucle d'oreille ici. Le prêtre avait le boucle d'oreille. Et j'ai failli. Je me suis concentré pour ne pas rire. Donc c'est la comédie alors qu'ils font même jusqu'à la mort. Non, c'est la comédie, c'est la comédie. Le prêtre catholique, il avait le bouc doré comme un yo. Bon, ça c'est un. Le deux, ce que Jean-Paul vient d'expliquer là, parlant de ses relations avec les femmes. C'est, donc, il a trouvé le mot. Le blanc qui va vers le noir n'a plus de place dans la société des blancs. Enfin, c'est rare ce qu'ils font les mariages injustes. Que dit donc des enfants qui naissent là, qui n'ont rien à voir dans les pensées que l'homme avait cherché le papier et subitement un enfant sort, voilà l'enfant qui sort là dans l'hypocrisie. On les appelle Offenhalkinder. Offenhalkinder, c'est-à-dire quoi? Attends, Offenhalkinder, ça veut dire quoi? Les enfants de séjour. Pour le séjour. Enfants du séjour. Pour le séjour. Les enfants pour avoir le séjour. Frère Junior. Et à l'école, les enfants sont marginalisés, oui. Là où tu vas trouver que le mariage blanc et africain, surtout blanc africain, ne sont pas justes. Parce que quelle que soit la femme noire que tu vas avoir avec un blanc là, elle n'est pas à l'aise. Quelque part, elle a son petit gars. Qui a su. Et les styles de rapport, c'est ce qu'il veut ici, la sodomie, la bastialité, ainsi de suite. Pourquoi les gens acceptent de subir toutes ces choses seulement pour avoir un papier? C'est ça qui me stoppe. Seulement pour avoir un papier. Frère Junior. Oui. Ici en Europe, oui. Le truc que tu entends papier, là, ce n'est pas. Tu connais le gars, non? Oui. C'est le papier qui lui a envoyé en prison. Non? Oui. Ici en Europe, si tu n'as pas le papier, le ciel est noir pour toi. C'est par conséquent, on peut me manger avec le diable pour pouvoir avoir le papier. Ben, le truc, c'est que tant que tu n'as pas le papier là, c'est quand tu as le papier que tu vois maintenant la lune. La lune un peu vers le 25h matin. Tu peux aussi un peu essayer de bosser rapidement. Ce que lui il a expliqué par exemple, son approche dans ce genre de mariage, est vraiment, c'est des éléments très très importants. Ce que lui aussi il a expliqué, je crois que tu parlais de quoi? Une nouvelle ordre mondiale. Ouais, le l'ange vert mondial, c'est-à-dire que... Il parlait de la complexité, de la mixité, de la dislocation des, oui, de la cohésion. Des forces sociales, de la cohésion sociale. Ça aussi, c'est des choses... Casser les barrières culturelles. Oui, casser les barrières culturelles. C'est-à-dire que les Allemands, maintenant, quand ils font aussi, c'est une des raisons, quand ils font en plus les étrangers comme ils font là, on peut dire aujourd'hui, quand tu rentres dans certains journaux aussi, tels que Focus, et puis il y a les Focus, il y a les certains journaux. Le Bill, c'est aléatoire. Mais des journaux qui traitent profondément. Dans ce domaine-là, économique, et puis dans le futur, c'est plus économique. L'Allemagne est en train de faire une nouvelle colonisation. Colonisation dans le silence. Dans le silence. Pourquoi? Parce que ce que lors de des réparations de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été marginalisés, extrêmement marginalisés. L'Allemagne a perdu ses colonies en Afrique. Et aujourd'hui, ils sont puissants. Et ils sont en train de récupérer cela petit à petit. Les gens ne s'en rendent pas compte. Et comme nous, on vient ici, on s'explique en allemand. À un moment c'est un plus donné pour eux. C'est un plus pour eux. À un moment donné, les Allemands seront capables, ils sauront que dans n'importe quel coin du monde, ils vont trouver quelqu'un qui va parler allemand avec eux. C'est une nouvelle colonisation. Donc bientôt, ils ont la politique de l'expansion plus tard. Ils sont en train de faire encore une nouvelle colonisation et cela est très très fort. N'oublions pas le thème que nous tenons, c'est le suicide. Là, je pose une question. Des pays en voie de développement voient que le pays européen et les autres pays expatriés, s'expatrier à tout vent, on voit comment des gens meurent pour pouvoir dans les grandes eaux internationales, pour pouvoir aller en Sicile, tomber en Italie, chaque jour ils meurent, on déploie la vie humaine. Parce qu'il y a et la guerre, et la dislocation, et la famine, et ainsi de suite. Et les gens croient qu'en allant ici c'est meilleur. Pour qu'ils entrent ici, pour qu'on les mette en prison, et puis ils doivent prendre tous ces détours-là dont nous avons fait. Dans une société qui elle-même ne s'en sort pas, mais que sur le plan matériel, ils sont bien, mais sur le plan moral, ils sont totalement décadents. Je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une pensée que les pays africains eux-mêmes, le gouvernement africain, doit faire pour empêcher ces flux migratoires ou entrer dans ces Eldorado qui certainement mènent à la mort? La seule chose, c'est de donner l'emploi aux gens. Parce que si je vois bien, dans les années 80, les Camerounais ne sortent pas. Très peu. Les Camerounais qu'on trouve à l'extérieur. Mais c'est à partir de 87, quand les choses devenaient de plus en plus dures, c'est là où les Camerounais... Parce qu'à l'époque même, de 86 jusqu'à 90, pour faire un passeport, c'était pas n'importe qui. On comptait les gens qui avaient des passeports. Les gens des Camerounais ne sortaient pas. C'est à partir de 90 où les Camerounais ont commencé à établir pour établir le passeport, c'était maintenant un jeu. Donc les gars ont commencé à sortir n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la vie était misérable. Il n'y avait pas à faire. Les gars finissaient l'école, il n'y avait pas à faire. Alors c'est là où tout le monde... Les parents même déjà encourageaient les enfants à partir. C'est qu'on les collectionne l'argent pour les... Or qu'à l'époque, quand tu osais dire à tes parents que je veux partir, on dit que tu ne peux pas faire quoi. Et si tu ne peux pas vivre. N'est-ce pas par orgueil maintenant que les autres veulent partir? Parce qu'on voit un tel est parti, il a fait la fémania, c'est qu'on a fait les escroqueries pour venir construire des grandes maisons, des grosses voitures, et ça incite les jeunes à vouloir sortir avec l'exportation des médias à outrance aussi. Voilà. Donc cette histoire-là est venue du fait qu'il y a la misère. C'est comme par le passé. Quand tu joues au football, on te voit comme un enfant perdu. Maintenant, je vois les parents qui, depuis que les Eto ont commencé à gagner les milliards et tout, tout là. Les parents achètent les possesses, pardon. Qui va jouer. Alors, à l'époque, quand nous, on venait jouer au football, on partait jouer au football. On vous chicote comme ça. On vous fouette. Parce qu'ils ne voyaient pas en cela l'avenir. Voilà. Que on voyait le football comme l'endroit où on formait les criminels. Oui. Mais pourtant que le football aujourd'hui, c'est l'endroit où quelqu'un peut facilement vite faire. Que doit faire dans les gouvernances africaines? C'est de travailler. C'est de s'entendre d'abord. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que les gouvernements même africains, on ne devrait pas compter sur eux. Ce que doivent faire les Africains, c'est la population africaine qui doit se mobiliser en Europe, en Afrique. Nous, qui sommes sur le terrain, nous connaissons ce qui se passe. Se mobiliser et demander l'autonomie de l'Afrique, la liberté de l'Afrique. Parce que tant que nous serons sur sur dépendance, il y aura tous ces problèmes. Et il crée des désordres. Je pose la question. Vous êtes sorti pour apprendre de la technologie, apprendre d'eux. S'ils ne vous donnent pas cet accès à l'éducation, à cette technologie, pouvez-vous vous auto-développer? Ça, c'est une première question. Deuxième question. Si on laisse l'autonomie maintenant à l'Afrique, est-ce qu'elle peut s'auto-gérer véritablement avec ce niveau de corruption et de sorcellerie? Quand il parle de corruption, il parle en clair de la mentalité qui irait. C'est-à-dire qu'il faut une génération qui se sacrifie pour que les nouvelles générations qui naissent. C'est-à-dire que nous, là, si on doit sacrifier pour que les nouvelles générations qui naissent ne naissent pas avec cette corruption dans le sang. Donc on doit se sacrifier pour les autres. Parce que si on voit un individualisme qui ne dérange pas son voisin, là-bas on voit un individualisme égocentrique qui dérange forcément toute une population. Pour quelqu'un de voler 50 milliards qui devait servir aux gens, c'est de la sorcellerie, pas vrai? Non, c'est vrai. Ce que lui vient de dire m'intéresse un peu. Il a demandé qu'il y ait une poignée qui devait se sacrifier. La question à se poser aujourd'hui, combien sont prêts à se sacrifier? Ou mieux, se sacrifier comment? Qui peut se sacrifier? J'y vais. C'est pas éragner le cas de sacrifice ici pour pouvoir délivrer le peuple, hein? Non, j'y vais tout de suite. Moi, je pense plutôt, j'ai toujours gérer les groupes. Ma philosophie est simple. J'ai toujours pris cet exemple. Quand un œuf se casse de l'intérieur, c'est pour devenir une vie. Et quand un œuf se casse de l'extérieur, c'est pour détruire une vie. C'est pour dire que d'après moi, le développement, le renouvellement, la progression devait partir de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous attendez que ça vienne de l'extérieur, c'est-à-dire que du grand nombre, pour sensibiliser la petite quantité, ça semble être impossible. Autrement dit, tu penserais qu'on ferait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense pour moi que chacun doit porter sa pierre à l'édifice. Et moi, je le dis en parfaite connaissance de cause. Je suis un enfant appelé pour dire que tu as fait beaucoup de notre travail. Dans le gouvernement ici, c'est, on fait quoi? C'est Sarkozy qui a dit une fois, très haut, ce que les gens disent tout bas. Tu vois, non? C'est-à-dire que l'immigration choisit. On veut les intellectuels, ceux qui peuvent nous produire. Aux gens dont on a besoin. Peut-être que tu n'es même pas intellectuel, mais tu travailles, tu paies les impôts. Si tu viens ici pour demander le social, on va pas te donner. Ok. Alors, moi, ils m'ont dit de venir prendre les papiers à l'eau. C'est vrai que j'ai pris comme je n'ai pas pris. Mais il fallait quand même aussi un peu la sécurité. Moi, je m'expliquais ça. Mais j'ai pris le risque, je sais que j'ai pris le risque parce que. Non, c'est eux qui te proposaient. Parce qu'ils ont vu en toi qu'ils peuvent exploiter tes potentialités. On m'invite à la mairie. La dame me dit qu'il faut que je prenne les papiers. Il me demande pourquoi. Il me dit que parce qu'ils voient que beaucoup m'aident. Compatriotes viennent souvent prendre les papiers quand ils ont déjà une situation qui est acceptable. Donc elle se disait que j'ai seulement oublié de venir. Oui, ça, c'est elle qui t'appelle pour que tu viennes prendre le papier. Parce qu'en fait, ils ont vu en toi la potentialité d'un grand ingénieur. Naturellement, c'est gentil de votre part. Il n'y avait pas. Mais je n'ai pas compris à ça. J'ai demandé, vous avez des enfants? Elle m'a dit oui. Et moi, je ne veux pas connaître le nom. Mais vous avez déjà pensé une fois que votre enfant vient vous dire que maman, vraiment, à partir d'aujourd'hui, je suis Camerounais. Comme vous êtes allemand de là, ça va me faire comment? Elle dit que, ah, vraiment, tu es compliqué, hein? Ta question est difficile. En tout cas, si je change l'idée, je dis n'importe quand, viens me voir, je suis là. Donc, tu voulais lui demander, est-ce qu'elle peut se transformer en. Elle peut prendre la nationalité camerounaise un jour, ou bien c'est son enfant? Donc, est-ce que tu peux accepter que ton enfant prenne la nationalité camerounaise un jour? Mais c'est quand même paradoxal pour ton cas. C'est que les gens prisent, cherchent pour avoir. Toi, on te propose, tu refuses. J'ai refusé. Quelle est ton explication? Quelle est ta petite idée pour donner conseil à ceux. Ma petite idée, frère Junior, je ne fais que continuer à le dire. Et je suis sûr que. En fait, moi, c'est la conviction. Et je crois. Je vous ai dit l'autre jour que. Au départ, même l'autre jour, dans mon témoin ici, même hier, je vous ai dit que. J'ai même dit devant le frère Junior ici que je n'étais pas sûr de ma foi. C'est parce que je pensais que ma foi n'était pas pour les autres. Mais sans te mentir. Quand je vois comment je me comporte, comme je vois comment je j'avale ce qu'il dit. Mmh. Et bien, comment est-ce qu'on... Je suis sûr que je crois plus que beaucoup de personnes qui lèvent le doigt et disent qu'ils croient. Mmh. Mais il n'y a pas de machine pour mesurer cela. Mmh. Il n'y a, a pas de foisomètre. C'est ça. Oui. Bon, moi, j'ai dit, dans mon pays, je dis même à tout ce que je n'aime, je ne suis pas un usurpateur. Mon patron, je lui ai dit qu'on peut aller voir la société. Mm-hmm. On s'occupe d'une personne. Il y a des machines dedans. Les machines, c'est des milliards d'euros qui sont là-dedans. Et c'est pour une personne. Mm-hmm. Donc, c'est un gars qui peut acheter le Cameroun, comme ça, 3, 4, 5 fois. Mm-hmm. C'est pour lui. On le travaille jusqu'en 2025. Mm-hmm. C'est le problème. Les gens qui sont vraiment riches. Mais, il m'a dit, Olivier, quand je te vois t'engager pour ton pays, mm-hmm. aujourd'hui, tu as besoin de mon aide. Dis-moi. Donc, il peut t'aider à investir même dans ton pays. Si j'étais quelqu'un qui aime la facilité, mmh. j'aurais déjà pris l'argent à deux pour aller faire quelque chose dans mon pays. Mmh. Mais il faut dire que je veux avancer jusqu'à être sûr mmh. que ce que je suis en train de faire là, ça ne peut plus échouer. Mmh. Parce que je ne veux pas faire le temps. Mmh. Après ça, j'ai des échecs. Mmh. Tu vois. Donc tu veux mûrir la réflexion et le projet. Je l'ai dit. Et puis, je leur explique deux fois. Quand tu vois, dans la fête de la société, non. Quand je m'assieds comme ça, les gens là viennent s'asseoir autour de moi. Les Allemands. Ils écoutent comme la messe. Donc, les Allemands sont sous tes pieds pour pouvoir apprendre. Je leur dis que chez nous, la société est médiocre. Mmh. Je vois la prostitution passer, la criminalité par là, le banditisme plus loin, pour ne citer que cela. Mmh. Et puis, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont à l'extérieur. Et qui sont même ici, même encore chez nous, et ils n'ont rien à faire. Mmh. Ceux qui ont eu un peu d'argent, ou la famille a réussi à rassembler l'argent, ils sont pour venir ici. Et quand ils arrivent ici, toutes les femmes marchent taxi. Mmh. Je ne suis pas de cet avis. Mmh. Chacun devrait chercher. Parce que, et puis je leur dis, la jeunesse de mon pays a besoin de moi. Mmh. Donc tu dois transmettre ce que tu as appris. Je leur dis, je dois transmettre. Et quand je crée des emplois chez nous, je diminue la prostitution, je diminue le chômage, je diminue ceci, cela. Ça me pousse donc à poser une autre question que beaucoup de personnes se les posent, qui est un handicap. Parce que beaucoup de personnes parlent, disent qu'ils souhaiteraient rentrer au pays, investir, mais se trouve là un obstacle majeur que le gouvernement a mis en place, les taxes, voilà. Les finances, l'importation. La corruption. Et derrière le gouvernement. Non, ne parle pas très fort. C'est pour ça que je dis que là, il faut accepter de faire des sacrifices. Oui. Frère Junior, je ne te jette pas des fleurs, je dis ce qui est clair. Mm. Quand on s'est connu, quand il fallait faire tes papiers, tu m'as surpris un jour, j'ai dit toujours ça. Mm. Quand il dit que fais ton dossier comme ça, tu m'as dit que j'ai parlé du compte, tu m'as demandé que est-ce que quand on prie aux gens là, tu crois que toi-même tu n'aimes pas, c'est quel travail qui peut te passer à faire? Parce que tu as cru que ce que tu es en train de faire, tu as la conviction pour ça. Mmh. Tu as la conviction. Moi, je préfère dormir affamé, mais je sais le faire. Mmh. Et c'est ce qu'il fait. Hein? Moi, je prends l'argent dedans au Cameroun. Les gens volent. Mais je crois que le jour, ça va mordre. Mmh. Et si au lieu de sauver 10 personnes, j'ai réussi à sauver 2. Mmh. Je serais content de cela. Nous parlons ici dans une échelle globale. Et ce que je commence par là, c'est que, mm-hmm. comme je dis que l'effort part de l'intérieur, oui. c'est-à-dire que du petit nom. Oui. Mon petit nom, d'abord, c'est prendre bien à ton propre niveau. Oui. Ouais, dire aux gens que je refuse de devenir allemand. Oui. C'est un début. C'est un début pour mm-hmm. moi. Et quand je dis que je m'en vais. À cause de ta fierté d'appartenance au Cameroun. Oui. Mm-hmm. Que je refuse de. Ça, je ne veux pas dire que si j'ai mes enfants demain. Si quelqu'un nous écoute maintenant, il est au Cameroun, bien il est en Allemagne, il va dire que c'est parce que peut-être tu n'as pas réussi, que tu as menti, que c'est le mensonge. Quoi. Ouais, non, non. Donc, mais je ne suis pas contre les gens qui prennent leur papier. Mmh. Chacun, quand tu peux. Mais avec le papier, ils peuvent toujours investir et faire. Oui, non. Quand tu cherches chacun qui a le papier sous lequel il va s'abriter. Mmh. Mais pour moi, je dis toujours. Je ne veux pas seulement m'appeler, mais je veux aussi servir d'exemple. Mmh. Je recommence encore la question que je posais. Voici vous ici, les intellectuels qui désirent investir dans leur pays. Vous êtes arrivé au niveau où vous savez maintenant exactement ce qu'il faut faire. Vous puisez de la technologie et dans tous les domaines, selon les domaines de chacun. vous désirez faire exploiter cela dans votre propre pays. Oui. Mais en amont, donc, ce ne se trouve pas, la terre n'est pas accueillant. Ni le système n'est pas accueillant, il n'y a pas la faveur propice pour pouvoir manifester cela. Qu'est-ce que vous faites en ce milieu-là? Moi, j'ai une autre vision. Oui. Moi, j'ai une autre vision pour que, d'abord, pour que l'Afrique se développe, oui. Pour que les jeunes ne sortent plus pour venir mourir dans les eaux et autres. Moi, j'ai une autre vision de ça. Pourquoi? Parce que il faut que l'Africain sache dire oui. Quand il faut, oui. Et dire non quand il le faut. Ça, c'est la mentalité. Voilà. Donc, nous, on connaît dire oui, oui, oui, mais on ne connaît pas dire non. Mm. C'est notre premier défaut. Parce que il y a un président français qui avait dit une fois qu'il n'y a pas de sentiment entre États. Mm. Et donc, les intérêts. Il y a les intérêts. Mm. Donc, ça veut dire que si tu es président de la France, moi, je suis président du Cameroun. Il défend la France. Si tu n'arrives pas à défendre le Cameroun, on t'absorbe. Donc, il faut que, quand vous regardez l'Europe, ou bien les Amériques et tout là, ils se sont regroupés pour défendre les mêmes causes. Donc, ils sont devenus forts. Parce que si c'était que la France, ou bien l'Allemagne, ou bien la Pologne, ils ne seraient pas forts. Mais ils se sont dit que pour se faire entendre, il faut qu'ils se réunissent dans un groupe. Ce qui fait que si aujourd'hui, quelle que soit l'amitié que le Cameroun a avec la France, et que le Cameroun a des problèmes avec la France, l'Allemand ne peut pas laisser. L'Allemand s'aligne directement. Je prends l'exemple quand le Maroc avait les problèmes avec l'Espagne. Oui. La France est l'ami du Maroc, la France est le frère de l'Espagne. Oui. Mais la France est partie dire au Maroc, nous sommes les amis, mais. C'est mon frère là-bas. C'est mon frère là-bas. Ne cherchez pas à faire des problèmes avec lui parce que je serai obligé de rentrer du côté de mon frère. De mon frère au lieu de te suivre. Le Maroc a compris le processus. Ils se sont tués. Il a remis cette terre-là à l'Espagne. C'est pour cela que je dis que nos pays africains n'ont pas l'idée. N'est-ce pas l'amour propre du patrie et le patriotisme ici? Donc ce qui fait que ces pays européens les commande par morceaux. Ce qui fait que le Cameroun ne peut pas s'entendre avec son voisin qui est le Tchad. Le Cameroun ne peut pas s'entendre avec son voisin qui est le Nigeria. Et sur ce plan-là, j'aimerais poser la question. N'est-ce pas les pays européens qui sont regroupés, qui ont pensé qu'il faut avoir chacun l'œil pour les éloigner l'un et l'autre afin qu'ils ne puissent pas se disloquer? Voilà. Ce qui fait qu'on ne se retrouve pas ensemble d'abord. Parce que pour être fort, il faut que Si je suis à Douala et que j'entends qu'il y a un business, si je paye mon manioc à Douala, je peux aller vendre à Bafoussam. Que j'ai la liberté d'aller vendre mon manioc à Bafoussam. Tranquille. Je vais aller faire mon argent. Libre circulation des biens et des personnes. Donc, ce qui fait qu'en Afrique, on n'a pas ça. Tu vas trouver qu'au Nigeria, on peut fabriquer une voiture que je peux aimer, acheter et ramener au Cameroun. Oui. Un, parce qu'il n'y a pas de route. Oui. De deux, parce que ce n'est pas possible. Oui. Avec les normes d'échange économique. Mais or, s'il y avait les routes, il y avait les chemins de fer, la communication devait être possible. Mais comme c'est les Européens qui nous commandent, ils ne permettent pas que cela soit possible. Conclusion, je repose d'où ma question encore. Que doivent faire donc les dirigeants afin que le terrain soit favorable à vous autres qui êtes ici en Europe? Vous pouvez réinvestir. C'est ce que j'ai dit que le départ. Le départ, c'est que les Africains se réunissent. Comment ces Africains vont se réunir alors que les mêmes personnes qui vous chiffonnent ici ont déjà mis leur top là-bas et ont placé pour pouvoir essayer d'éteindre toute velléité, toute tentative de vérité. Non, bon, moi je dis c'est une affaire de conscience individuelle. C'est-à-dire que nous, chacun de nous doit être conscient. Il doit mener cette action à partir d'ici et bien. Parce que ceux qui sont au pays ne peuvent pas le mener. Parce ils sont enchaînés. Prenez un exemple, vous parliez chaque fois des importations et la majorité des Africains, par conséquent, les Camerounais se plaignent de prix exorbitants des échanges portuaires. Et tous les ports sont entre les mains de certaines sociétés françaises. C'est de ça que j'ai dit, parce que je n'ai pas voulu faire les détails. Oui. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut que les pays africains se désolidarisent de tous ces contrats qu'ils avaient. C'est pour cela que j'ai dit que pour de ceux... Mais les signent-ils pas sous pression? Non! Oui, mais c'est pour cela que j'ai dit que... Ne les pousserait pas à quitter là-bas et qu'on place les personnes qu'on veut. Oui. C'est pour cela que j'ai dit, je n'ai pas voulu chercher les petits points. Tout ça, j'ai dit que s'ils se remettent en groupe, et ils sont ensemble, comme par exemple Kadhafi avait prévu. A-t-il réussi? Non, il a été tué pourquoi? Parce que il a, les autres Africains l'ont vendu. Pour montrer justement que voilà. Les Africains qui étaient là-bas si, n'étaient pas. Si maintenant, prenons un peu l'exemple. Si maintenant, par comme il avait fait, et qu'en Afrique, il y a une monnaie unique. S'il y a une monnaie unique. Oui. Voilà comment on va appauvrir la France du côté du franc CFA. Oui. On ne va plus parler. Et ils ne vont pas chercher à laisser Torel à l'argent parce qu'il y a une de ces sommes qui versent au trésor public à partir de France CFA. Voilà. Donc maintenant, il n'y aura plus le problème de France CFA. Comment donc faire pour s'en débarrasser alors? Il faut qu'on se regroupe. C'est pour ça que j'ai dit. Non, on ne peut pas se regrouper comme ça. Je t'ai dit, l'exemple de Kadhafi est un très bel exemple. Tu vois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se disloquer totalement d'eux en partant d'ici. Mais une personne. Je pose encore écoutement, vous, à la diaspora. Quelle force avez-vous pour pouvoir imposer On a une éducation. Oui. Le fait qu'on soit intellectuel, oui. Qu'on sache s'exprimer, qu'on soit imposant dans la société, les docteurs, qui les ingénieurs, tout ça. Oui. Quand on se regroupe et on attaque les médias. Les médias ne sont-ils pas contrôlés par eux? Ils sont contrôlés par eux. Mais c'est-à-dire que comme tout un système. L'ONU n'est-il pas contrôlé par eux? Oui, si. L'OTAN n'est-il pas contrôlé par eux? Oui. Comment vous pouvez-vous réussir à atteindre l'extérieur? C'est ce que j'ai dit que la force... Comme toute l'Afrique se regroupe peut-être ici, quand on trouve une solution, comment faire pour le combattre des... Et lorsque vous allez lancer les réunions pour faire, ils auront les top eux-mêmes qui sont formés au milieu. Ils auront les agents secrets au milieu pour voir les résolutions. Pensez comment vous regrouper. Frère Julien, oui. Il y a un Ivoirien qui s'appelle, je ne connais pas comment prononcer son nom. C'est Gaougou, c'est lui qui a parlé... Non, c'est lui qui a parlé, qui a dévoilé comment fonctionne le franc CFA. Il voit rien là. Oui. Donc, quand c'est un professeur, il est en France. Oui. Mais il a ouvert les yeux du monde. Comment fonctionne le franc CFA. Oui. Et je crois que il est célèbre sur les réseaux sociaux à cause de cela. Voilà. Mais est-ce que ça a bougé quoi que ce soit? Tout ce qu'il a dévoilé a bougé. Non, c'est pour cela que j'ai dit que. C'est tout ce que les gens de la diaspora peuvent apporter. Parce que c'est-à-dire que comme ils ont les connaissances, comme ils connaissent comment les choses se évoluent, si nos dirigeants pouvaient se réunir et maintenant la diaspora... Comment peut-on parler des dirigeants qui sont là depuis des années et qui ont été... les dirigeants qui sont là, qui sont noyés en plein et qui sont des marionnettes de ce même système. Mais tu ne peux pas être dans mon territoire, tu commences à vouloir me faire comprendre quelque chose. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je crois que je peux parler un peu. Oui, chef. Je pense que tout à l'heure, je pense d'abord à l'origine. Au début de sa graduation, là où j'étais en train de parler de l'individualisme, le progrès de tout un chacun, le métamorphose de tout un chacun. L'apport. Ça doit partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça va avec quoi? Quand nous on arrive ici, hormis ceux qui font par exemple la médecine, qui font peut-être des études telles que la santé, c'est-à-dire que tu as mal au ventre, le blanc doit avoir mal au ventre, c'est la même chose. Mais tous ceux qui viennent faire ingénierie, par exemple dans ce pays, l'ingénieur que tu apprends ici, ça ne va jamais te servir au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme en place pour pouvoir favoriser cela. Ta terre ne te permet pas d'utiliser cela. Oui. Le substrat ne te le permet pas. Or, si tu le fais tout simplement dans une société mécanisée, où tu as su que tu résous les équations, tu as tes moyens, tu as ton diplôme, c'est pour te vendre ici sur place. Oui. Et tout ce que tu peux faire. Puisque même les écoles polytechniques là-bas, quand, après la formation, les gens prisent toujours l'extérieur. Puisque après ça, tout ce que tu peux faire avec nous, c'est que chez nous, travailler, si tu as l'argent, tu envoies l'argent là-bas pour aider les autres. C'est pourquoi nous sommes... On va toujours rester dans les systèmes d'interdépendance. Oui. Or, personne ne pense faire ce qui est adapté à notre besoin. Oui. Et ce n'est pas eux, les Blancs, de penser pour... C'est pas... Ils n'ont jamais vécu chez nous. Oui. Ceux qui connaissent certains problèmes chez nous, c'est ceux-là qui arrivent, ils sont dans la société, les Blancs. Oui. Celui qui est dans... Moi, je suis aussi avec les Blancs depuis des années. Oui. Mais je connais ce que je leur dis. Oui. Mais ceux qui viennent, ils commencent à être avec les femmes blanches ou bien avec les hommes blancs. Oui. Sans truc qui, quand ils sont couchés dans leur solitude familiale, commencent à dire comment ça se passe en Dokuchi. Oui. C'est ce que là, le Blanc... Il balance les secrets comme ça dehors. Donc, ça que je dis que si nous voulons toujours... pour rentrer au Cameroun. Un de ces quatre matins, même investi. Si on veut penser à l'État, ça ne marchera pas. L'État ne peut pas nous aider aujourd'hui. Oui. D'abord, que tu as trouvé quel ministre qui n'a pas étudié en Europe. Donc, ils connaissent le système ici-là plus que toi. Dans ce cas, pourquoi ils instaurent le système qui vont asservir le propre peuple alors? Ils arrivent au pays maintenant parce qu'on leur a appris tout simplement, tout ce qu'ils ont appris ici, c'était se remplir les poches. Ils veulent perpétuer encore ça là-bas. C'est le capitalisme. Quand ils rentrent, tout ce qu'il doit faire, il va avoir son argent. Il nourrit sa famille. Donc, il ne pense pas aux autres. Il ne pense pas aux autres. On lui a pris le capitalisme lié avec sa conséquence primordiale qui est l'individualisme. C'est pourquoi il ne pense qu'à lui-même quand il rentre au pays. C'est normal quand il rentre, il devient un caméléon. Et donc, c'est une sorte de mentalité. Une mentalité qui vient de... Ce n'est pas seulement une mentalité. Attends, je n'ai pas fini. Excuse-moi, je suis en train de continuer. Juste une parenthèse, non? Une courte parenthèse. C'est une mentalité qui vient de quelque part. C'est-à-dire que les Européens nous ont sémé cette mentalité dès la base pour mieux nous disloquer. Parce que s'ils savaient exactement que nous aurions du mal à s'en sortir. Maintenant que c'est vrai... Tu fais 22 ans au Cameroun, tu arrives ici, tu étudies pendant 10 ans. On réussit à te mettre une mentalité à la base comment? Tu veux leur raconter quoi? Non, je te dis que moi je suis né dans cette mentalité. Et puis je vais te dire quelque chose. Je dis que dès la base, l'Europe a colonisé l'Afrique. Et quand ils ont colonisé l'Afrique, ils ont bien étudié l'Afrique dès la base. Et ils ont donné l'éducation, ils ont donné leur éducation à l'Afrique. Ils ont de leur morale, tout. Je n'aime pas cela, l'accusation. Attends, prenons un peu l'exemple de Otto et Tutsi. Quand on parle des choses comme ça, mon ami, nous sommes des amis. On a des tu as fait beaucoup de mathématiques. Quand tu commences à prendre les cas isolés, tu es hors sujet en mathématiques déjà. Les cas isolés ne t'amènent nulle part. Ce qu'on montre qu'une propriété est fausse, il suffit de te montrer. Quand tu commences à montrer les cas isolés, tu es plus dedans. Tu es à côté de la plaque. Tu ne peux pas chercher à côté. Tu commences à dire que ton voisin qui avait le chapeau bleu, non. Ça marche bien. Allons dans le cas général. Si tu ne peux pas donner un nom, appelle X et on continue. C'est mieux autant. Tu vois, non? Donc, tu es en train de dire, nous sommes, d'après moi, le progrès doit commencer de l'intérieur. Toi, tu vas dans mes taux finir en médecine. Je finis en médecine. Tu réussis à payer ta chambre. Si tu réussis à travailler, mettre un petit truc à côté. Et tu sais que quand tu avais mal au ventre au Cameroun, on t'amenait à l'hôpital. Un des appareils qui manquait beaucoup en médecine, c'était le scanner. Tu cherches d'abord le scanner le moins cher, tu mets dans un conteneur, tu envoies. Donc, est-ce que tu crois que aujourd'hui, c'est. Il y en a qui n'ont pas pensé faire ça. S'il y en a qui avaient pensé, tu devais peut-être savoir. C'est toi dans ton domaine. Attends. Moi, je te dis qu'il y a beaucoup qui ont pensé ça. Mes frères m'ont fait ça. Ouais. Ça peut marcher. Quel est le problème? Le système économique et le système d'impôts. C'est-à-dire que l'Afrique ne doit pas évoluer. L'Afrique ne doit pas se construire. Attends un peu. Je vais citer un autre exemple, s'il te plaît. Je vais citer un autre exemple. Moi, je suis un homme qui. Je travaille, j'ai droit au congé annuel. J'ai eu pris des congés annuels une année ici, il y a ça peut-être 3 ans, je comprends Jean-Paul. J'ai cherché une société qui fait dans l'installation de l'énergie solaire parce qu'il y avait, parlant, problème de l'énergie au Cameroun. Ils font dans l'installation de l'énergie solaire. Personne ne me paye pour ça. C'était des fraudes. Quand tu dis fraudes, tu as près de 1h30 minutes. Mon ami, c'est chaque jour. Pendant 4 semaines, que je sortais chez moi, chaque matin, je mettais 100 dans ma voiture pour aller là-bas me former. Tu profites de ton congé pour te former à ce domaine-là. Pour me former dans ce domaine-là. Et quand je me formais dans ce domaine, ce n'était pas parce que je revais au Cameroun, aller voir le maire, peut-être le doigt pour dire, regarde, donc voilà, l'axe qui parle peut-être de Banamou, ça dit, jusqu'à l'octobre d'aliment. Non. Dans ma part, je me dis que, je vais faire comment? Si je vais vers côté du village, j'ai peut-être 2 maisons là-bas et j'ai réussi à convaincre 2 personnes là-bas que je vais mettre le parc solaire chez eux. Ça marche. Ils préfèrent mettre ces jeunes chez eux. Ils partent dire aux autres, pour Olivier, lui, le tueur chez moi, ça marche. Mmh. Comme ça, les gens vont venir me voir. C'est pour ça que... Donc tu commences avec le petit que tu as pour avancer. Pour avancer. Mmh. Et quand... Et beaucoup de Camerounais m'ont vu faire cette formation. Mmh. Il y a un gars à Magal. Il a fait peut-être philosophie ou autre comme ça. Et après, il commence à faire marketing. Il vient me voir. Mmh. Je dis, mais Olivier, ce que tu as fait là, intéressant. Je veux comment qu'on ouvre. Il dit qu'il a fait des dossiers pour donner ou bien à l'UT de Bandung. L'UIT. L'UIT de Bandung. Mmh. Comme enseignant. Donc, qu'on met la filière énergie solaire là-bas. Mmh. Et comme ça, quand je serai au Cameroun, je serai consultant là-bas. Mmh. Donc, il voulait que je signe déjà un contrat pour lui. Mmh. Et que papa. C'est pas moi. Je vais faire quoi là-bas. Mmh. Je vais faire ma part que si je vois les panneaux solaires, que je vois les panneaux solaires, mmh. qu'on peut acheter même usés. Mmh. Donc, que quelqu'un a déjà utilisé, non oui. Deuxième, mmh. je prends, je m'en vais mettre là sur ma maison, je vois un ami peut-être qu'on fait, je mets sa part. Mmh. Mmh. Et c'est que lui, il va commencer à faire mon talakou au quartier. Mmh. Les gens vont me voir, c'est comme ça que... Talakou, c'est publicité. oui, non, c'est publicité. Mmh. c'est comme ça que vous ne voulez pas aller voir le gouvernement. Mmh. Tu es là, tu n'as même pas encore, tu ne peux pas mettre correctement ces choses. Tu vas aller voir le ministre. Je dis que le gouvernement ne peut pas rien. Quand tu viens voir le ministre, tu dis, ah, projet énergie solaire. Ça, c'est intéressant, mon petit frère. C'est lui maintenant, il te développe ce projet-là juste à toi, tu crois que ce que tu voulais faire. Donc peut-être tu voulais seulement mettre dans le programme. Je dis, non, petit, tu vas faire un truc comme ça. Il faut qu'on étale ça même jusqu'au Tchad. Non, le ministre même bien. Il a zéro de l'histoire. Là, maintenant, il va prendre ce même projet que tu as. Il cherche un de ses fils au quartier non. ou un cousin qui est aussi au quartier. Il lui donne le projet. Avant d'arriver à cela, maintenant, il te dit que ma part. Ma cote passe combien? Ma part est combien dedans? Tu lui dis. Il dit que bon, ok. Je vais réfléchir sur le dossier. Dès que tu sors. Il prend le même dossier dans la tête. Il prend le même dossier. Il appelle maintenant les gens. Il colle la tête. Mm-hmm. C'est le plus offrant maintenant. Je vais donner. Mm-hmm. Et maintenant, quand on change d'où de la, plus... D'où la mentalité dont tu parlais, qu'il faut changer. Oui. Donc, et le plus offrant maintenant... Ça veut dire que chaque projet que tu vas prendre pour au pays, sur le plan, sur l'échelle nationale, ça va trouver de quoi, de quoi. Ça n'a pas marché. Et tout ça, nous commence une idée ici. Oui. J'ai eu une compétence, une fois, on m'a interdit d'acheter des appareils musicaux à la pharmacie. Parce que tu as remarqué que j'ai acheté les mêmes appareils. Mmh. Il y a un grand nombre. Mmh. Un jour, le pharmacien... appelé son chef et il m'a demandé que tu as mis. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc tu achètes quelque chose alors qu'il doit seulement vendre, il t'interroge là-dessus. Si j'ai acheté beaucoup de bambou, tu vas faire. Et il m'a dit que tu vas faire. J'étais bête, j'ai pas réfléchi. Il m'a dit que non, non, c'est juste pour aider les gens en Afrique. J'ai amené ça en Afrique. Donc je me suis rendu compte qu'il était content. Il m'a dit que non, vous n'achetez plus ici. C'est fini. Donc il décide de ne plus te vendre parce que tu as dit que tu vends ça en Afrique. Oui. Ça commence ici. Et j'étais obligé d'aller. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à céder les technologies à vous autres. Mais pourquoi c'est ça. Pourquoi ça, tu es indépendant. Donc il faut dire la salaire pour les restructurer ça. Et le problème, c'est que même les particuliers ici, frère, même les individuels, ne veulent pas qu'on amène les choses en Afrique. C'est comme ça. Ils nous font l'étude dure, difficile, qu'on amène les choses en Afrique. Voilà, prenez notre volet maintenant. Vous avez parlé maintenant des tentatives de solutions. On voit sur les réseaux sociaux le président de la République pour parler de, seulement du cas du Cameroun. Qui vient en Europe pour un séjour, pour quoi que ce soit, on voit des gens qui manifestent pour pouvoir demander son départ ou bien fustiger sa gestion. Est-ce que ceci, c'est une solution? C'est une des solutions. C'est une approche à l'une des solutions. C'est demander le départ. Est-ce que s'il passe, la mentalité changera? Non, ça ne changera pas. Et demander le départ et ne pas prendre le pouvoir. Et ne pas prendre demander le pouvoir. Demander le départ. Est-ce que si le président laisse le pouvoir maintenant, le Cameroun pourra être à l'aise? Le Cameroun, le système changera. Il y a beaucoup de problèmes. Mais moi, je propose ceci. Le pouvoir ne doit pas être dirigé par nous. Nous sommes contaminés. C'est-à-dire demander le départ et créer un organisme de gérance commutative qui assemble les propositions des uns et des autres pour pouvoir réfléchir à ce moment. Et qui va accepter aussi changer l'éducation, changer la morale. Conseil de transition. Voilà, changer la mentalité. Changer la mentalité et laisser grandir les autres avec de nouvelles mentalités, de nouvelles générations. Voilà, oui. Je vais prendre un exemple qui est un peu trop palpable. Oui. L'exemple de la conduite. Oui. Quand tu es ici, tu te rends compte. On est à l'aise. Chacun se comporte bien sur la route. Oui. Ce n'est pas seulement à l'école qu'on apprend ça. Oui. Quand à l'école. Quand on dit qu'on a enchevé l'enfant, l'un des premiers trucs à l'école qu'on apprend l'enfant, c'est le cours de la route. Bon, donc on forme au cours de la route à l'école. On forme le cours de la route à l'école. Donc l'enfant est au bas. Quand on t'apprend à compter les bâtonnets, oui. On t'apprend à te comporter sur la route. Oui. Et après, tu dois pouvoir aller à vélo. Oui. Quand vous commencez à aller à vélo, il y a dans une classe, on vient vous faire le permis de vélo. Mmh. Ça veut pas qu'on va vous délivrer ça quelque à distance. Chose, mais on fait que la police de la ville vient. Ça, tu vois comment ça tient pas d'enfant. Oui, tu dois être discipliné. La police vient prendre un groupe d'enfants oui. pour faire le tour de la ville avec eux. Oui. À vélo. Oui. La police est sur le vélo. Oui. Ils sont sur. Ils savent tout ce qu'on leur a appris à l'époque. À l'école, ils doivent respecter ça ici. Oui. Donc, ils connaissent tout. Les passages comptés, les feux, comment ça fonctionne. Oui. Ils apprennent ça là-bas. C'est ça qu'on a instauré chez nous aussi. Mais on a instauré comment? Alors qu'au ministère des Transports, ceux qui délivrent le permis de conduire, ah. quelqu'un reste à la maison, il dit, je connais telle personne, fais-moi tel permis, on fait le permis, ça on fait l'école. Ce du frère Junior, c'est on doit avoir le président, les balayer tous. Et nous, attends, quel état de pays on va balayer tous les fonctionnaires parce que c'est tout qui est contaminé. Vous prenez le commissariat, vous prenez les magistrats, vous prenez les médecins, tout est contaminé. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est presque impossible. Donc ça veut dire que c'est nous qui pouvons encore réinstaller un nouvel système éducatif. Si toi, on te prend, tu es médecin, on t'affecte à l'hôpital général de Yaoundé comme étant le directeur, qu'est-ce que tu peux faire pour changer le système? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, justement, en fin de compte, supposons que on te nomme, on t'impose le régime que tu dois faire, malgré que tu as quelque chose. Est-ce que dans la culture chez nous, on a la culture de démission? Non, c'est ça qui nous manque. Bon, donc, c'est sur un honneur, quelqu'un doit démissionner parce qu'on lui a posé des choses. Oui. J'étais Jessica, maintenant là, je suis encore plus fort. Oui. Je vous dis que ma foi devient plus forte. Amen. Parce que. Ce qu'il fait, oui. ce que le type s'y fait, il n'est pas obligé d'aller vivre à Yassa pour faire ça. Oui. Même à Etoudi, il peut avoir sa place, même ici en Europe. Oui. S'il dit que ce qu'il fait là, trouver la chambre ici, la maison pour lui et sa femme ici, les gens sont capables de cotiser pour payer pour toute l'année. Absolument. Ok? Oui, oui. Mais il préfère, lui-même, il a dit, on lui donne le visa de 2 mois, il dit qu'il préfère faire 1 mois. Parce qu'il veut rentrer au pays. Oui, oui. Toi maintenant, avec tout ton truc, tu dis que non. Je ne crois pas. Pas c'est parce que tu ne crois pas à toi. Mmh. C'est ta foi. Mmh. Parfois, tu viens de la mettre nul. Il a senti qu'il ne peut pas évoluer. Tu ne peux pas. Alors, tu plantes pour rien. Dans ce cas, je pose la question. Tout ceci nous amène à notre grand sujet. Pourquoi, malgré ces problèmes, malgré que le gouvernement semble afficher les Africains, pourquoi les Africains ne veulent pas se suicider? Incroyable. Le chat. C'est pour être plus explicite, pour que tout le monde puisse appréhender la parabole du chat. Il y a ça, le seul facteur de l'endurance oui. qui est en nous. Mmh. Et le second facteur qui est en nous, c'est que nous ne sommes pas habitués à l'automatisme. Oui. À la facilité. Non, je préfère dire automatisme. Quand on n'est pas réglé dès le départ. Parce on est jeté à se battre. Frère Junior, nous sommes ici à Allemagne. Quand il y a le bac fin d'année, ce n'est pas qu'on comprend comme le bac au pays là. Oui. Il y a le bac de Darmstadt. Bac de chaque coin, de chaque. Dans chaque école, il y a son bac. Oui. Donc c'est quand un examen. Normal, comment on fait? Normal, comment on fait? Non, c'est pas un examen où tout le monde est amusé. Donc avant de faire le bac, on connaît mieux que les gens vont réussir. Ceux qui vont réussir, ce qu'on on le dit même là où ils doivent comprendre. On le dit. Tu ne pas le compliquer la vie. Non, on ne peut pas compliquer. Ça veut dire que comme au Cameroun, si il y a une zone comme n'a pas bien étudié, n'a pas terminé ses cours, on vous compose sur le plan. Si on n'a pas terminé, c'est votre problème. Oui. Alors qu'ici, ils savent qu'on vous a fait travailler à tête de main, on vous interroge là-bas. Oui. On vous interroge là-bas. Les gars composent le bac ici, ils font avant les résultats. Tout le monde passe. Tout le monde passe. On vous donne une série de comment on appelle ça? De trucs qui vont dire les réponses. Oui. On dit que Bichet seulement ça. Donc, il y a peut-être 20 questions. Oui. On dit qu'il y aura 10 questions. Oui. Ça veut dire que même la mentalité, même des compositions par rapport à eux, c'est différent. Parce que chez nous, on veut caler les gens, ainsi de suite. Si on complique un peu, dans l'autre, il fait une heure. Il fait une heure. Quel est l'avantage de ces systèmes éducatifs dont tu as parlé? Leur système par rapport à ces compositions, quel est l'avantage? L'avantage, c'est que pour eux, tu me dis l'avantage pour eux. Oui. L'avantage pour eux, c'est que. Et puis, la deuxième question, est-ce qu'on peut copier ce même modèle-là chez nous? Est-ce que ça peut fonctionner? Je ne crois pas. Mmh. Donc, notre modèle à nous. Je peux commencer par la deuxième question. Pour oui. Je crois que le Nigeria a eu à expérimenter ça oui. une année. Ça ne les a pas laissés. Non, ça ne les a pas laissés. Donc, il y a la réalité africaine. Oui, il y a la réalité. On a tapé sur Nigeria. T'as dit que quoi nous faisons. Oui, on a tout tapé. Alors, ceci nous montre donc qu'il faut faire attention à ce que nous copions de l'extérieur pour amener à l'intérieur. On a fait une promotion, on a dit que vous commencez là, si vous parlez comme ça, sans problème. Après, on vous donne le bac. Ça, ils ont fait. C'était nul. Ils sont nuls ici. Alors, ça veut dire que quelqu'un est formé dans la difficulté comme Angoua Ekele. Oui. Quand tu es formé dans la difficulté, que tu bois au tepuka, tu te lèves le matin, tu fais les endormissements avec les matrices. Quand c'est difficile, quand tu viens te trouver ici, tu vois que le système est faible. Faire une union. Oui. Je voulais faire la médecine. Oui. Quand on ne m'a pas donné la place, parce que la médecine devait me faire travailler, fréquenter et puis chercher. Mais quand on m'a dit que je ne pouvais pas faire la médecine parce qu'on n'avait pas de bourse, il fallait que l'État te donne la bourse. J'ai simplifié les choses. Mmh. Parce que ça ne valait plus rien. Parce que ton aspiration était terminée. Oui, non seulement. Parce que je n'avais plus. Je ne sais plus quoi faire. Je voulais dépasser le projet. Voilà. Parce qu'on partait, quand je faisais passer à l'électrotechnique, on allait avoir commencé. On va au TD pendant 2 mois. C'était une fille qui nous faisait analyse. Oui. J'ai appelé la galère, j'ai dit que maman, c'est que tu fais la sécurité. J'ai beaucoup à ton cours. À vous t'aider. Alors, elle m'a dit que parce que je connais tout ce que vous faites. Elle me dit avant. Elle dit que oui. Elle me dit que tout sort d'où. Elle dit que je ne connais pas maman. Tout ce que vous faites là, je connais tout ça. Je connais tout. Mm-hmm. Si vous voulez même, si je pouvais parler là-bas aussi pour moi, pour vous, je peux vous remplacer, vous rentrez là-bas. Elle m'a dit que ok. Il faut qu'on raconte le professeur. On a pris rendez-vous chez le professeur. Oui. Elle a d'abord parlé avec le professeur. Mm-hmm. Le professeur a dit que si c'est un jour comme ça, il faut qu'on se prépare pour. Pour le recevoir. On a renvoyé. On va le tester. Une semaine après. Mm-hmm. Il a dit maintenant, quand tu le fais, le professeur avait posé peut-être, il avait apprêté ses questions. Mm-hmm. En troisième question, Mimus a commencé à rire. Parce qu'il me pose un truc. Il dit que tu veux arriver au théorème tel. On peut développer ça même comme ceci. Même comme cela, même comme cela. Après, il fait la même chose. Il a dit à Ranga, non, il connaît. Laisse. Viens seulement composer. On peut composer 45 minutes. Devoir, non, devoir, il m'a fait 45 minutes. Je suis venu, j'ai pris la copie. La copie. Après, je suis allé remettre, je suis parti, j'avais tout trouvé. Je crois que c'est la première des choses qui m'a d'abord mis en jeu. C'est-à-dire que j'ai compris que ce n'est pas la peine. Et tu vas faire électrotechnique. On vous met dans l'étude d'électrolyse, ce qu'on faisait en première. C'est alors ça qu'on encore venu de nous ici. Avec les sonnerie. Oui. C'est une logique que tu as fait en premier, que tu es au niveau universitaire, on vient te donner ça ici. On vient te donner ça. On te demande la définition d'un père, que tu as enseigné aux gens. Alors que tu te commets, tu donnes ça comme répétition. Tu vois, non. Et puis encore, ce n'est pas fini. Quand on dit maintenant qu'il y a examen, on va confronter les examens, on vous dit les chapitres sur lesquels on va composer. On vous prépare déjà ici. On vous dit les chapitres sur lesquels on va composer. Et on vous dit que vous arrangez vos formules pour venir. Ouais, tu copies tes formules. Mais en médecine, on vient avec des. Pour ne pas vous compliquer la tâche. Non. Donc vous lisez les formules, donc tu lis, tu copies la formule et puis tu continues avec toutes les formules que tu veux. Tu prends les théorèmes, tu vois comment c'est. Je comprends pourquoi les gars de Consamba et du Cameroun viennent ici réussir facilement. Et tu sais, parce que les gars sont obligés de bûcher les formules. C'est les gars qui sont faibles là-bas qui réussissent facilement. Parce que quand tu es fort, ça ne te plaît pas. Ça ne te plaît pas parce que ça t'a fait mieux seulement. Parce que ça fait que même le faible se confond à toi. Oui. Et en psychologie, non, il y a un livre, il y a tout un livre. Oui. Il y a tout un livre là. Bon, c'est. En sociologie. Oui, sociologie, oui. Et psychologie, dans les deux à la fois. Oui. La bande, non, comme ça. Oui. Non, comme ça. Oui. Bon, on vous dit, vous, Donc chacun peut copier tout. Ce qui est dans le cours, là, sur un papier, bien avec. Mais sur un seul papier, format. Oui. Un seul dans le réseau. Tu copies tout ce que tu peux copier, mais sur un seul papier. Oui. Et tu es composable en médecine. Donc tu amènes là, tu déposes. Comment les gens vont échouer alors? Non, c'est un peu bête. Et même toi qui étais intelligent, ça te traumatise. Oui. Toi qui es intelligent au pays, ça te traumatise. Mais le véritable problème qu'il y a aussi dedans, c'est que même pour copier comme ça et réussir, avec, il faut être intelligent parce que tu dois savoir ce qu'il faut rechercher. Parce que tu peux prendre ça, tu peux faire deux formats, tu viens, tu cherches une formule. On ne voit pas. Eh bien, de toute façon, ça veut dire que tout leur système, il y a dans leur éducation, dans leur système en général, ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. Ouais. On ne doit pas prendre le comportement de la société. Parce que jadis, il y a des Camerounais qui viennent et des Africains qui viennent, qui s'imprègnent dans la société au point où ils oublient même leur propre famille en Afrique. Ouais. Quand ils viennent en Afrique, ils ne peuvent plus se comporter avec les amis comme ils se comportaient avant. Non. Ça, ce sont les mauvaises choses qu'on ne doit pas copier. Non. Mais il y a aussi quelque chose. Donc, quand tu viens aussi ici, là, tu viens aussi, tu commences à te mélanger avec les gens de l'Afrique. Là. Oui. Tu es aussi en danger. Parce que les mentalités changent. Non, pas leur mentalité change. Parce qu'ils se disent que pourquoi tu ne les as pas aidés aussi à venir. Oui. Alors, ils ne vont pas savoir que. Il y a des difficultés sur place. Parce que les gens pensent, par exemple, que comme tu peux être en Consamba, tu as ta personne à Douala, tu envoies ta personne, dit que va rester chez elle. Oui. Ils pensent que c'est la même chose ici. C'est même comme ça. Comme Olivier là, que Olivier mette quelqu'un dans la maison. Il faut que la mairie soit au courant. Il faut que Olivier t'amène à la police. Oui. Parce que si on vient, on trouve quelqu'un comme ça chez Olivier. Alors qu'il a déclaré qu'il y a trois personnes, c'est que c'est un problème. Il a des problèmes. Et en Afrique, il ne comprend pas ces mentalités. Il ne comprend. Quand tu dis ça à quelqu'un, dis seulement que tu es méchant. Oui, que tu es méchant. Voilà. Donc quand tu viens maintenant, tu dis que, ok, c'est ça, vous étiez mes potes avant, qu'on soit ensemble. Oui. Tu ne fais pas attention, deux minutes, ils vont te finir. C'est ok, ils vont te finir. Donc mentalité doit être changée à tout niveau. Même si tu dis à quelqu'un que je souffre, oui. Je n'ai rien. Oui. Tu vas peut-être comprendre. Parce qu'il va seulement dire. Tu fais quoi là-bas? Il va seulement dire que non. L'année passée, tu étais ici, tu avais telle chaussure, tel habit. Cette année, tu es revenu avec telle chaussure, tel habit. C'est-à-dire que tu as des moyens. Parce qu'en Afrique, tu vas voir que quelqu'un, peut-être, il peut avoir une chaussure pour 4 ans. Alors, mais quand lui, il se dit que en 6 mois, tu as changé 2 fois de paire de chaussures, il se dit que tu as l'argent. En résumé, est-ce que, pour quelque problème que ce soit, des gens devraient se donner la mort? Non, non. Ça, c'est absolu, non. Comment on va appeler ceux qui se donnent la mort? C'est les gens dont la société est affaiblie. Lâche. C'est les gens dont la société est affaiblie. Et nous, quand on arrive ici, même si un enfant comme ça est né ici, il va se comporter comme un blanc quand il aura des problèmes. Oui. Alors que nous, c'est les enfants qui grandissent, on ne les a jamais giflés. Oui. Alors que chez nous, mais regarde la machine à laver à la cuisine. Oui. Tu manges ton riz, tu places l'assiette là-bas. La machine lave l'assiette. Maintenant, c'est quand tu es. Si les blancs, ils ne laissent, ils ne portent même pas. C'est la maman qui porte. Qui? C'est la maman. C'est la maman qui porte. Il est seul enfant, bien ils sont deux. C'est la maman qui va me débarrasser. C'est pourquoi quand tu travailles, quand tu déposes quelque chose là-bas, il ne prend plus rien. Et l'enfant ne va jamais t'appeler papa. Pourquoi ils font ça? Ils vont t'appeler Junior. Ils appellent son nom de nom. Ils t'appellent Junior. Que papa, que le monsieur, est-ce qu'il peut prendre votre truc? Votre. Non, il dit que mais tu n'as plus une cigarette là, Junior. Il fait mal son père, il partage. Ou bien si tu lui dis, apporte-moi la cuillère là, à la cuisine. Ah, dis que toi tu fais quoi? Toi, va mettre toi, prends de ça. Et le papa trouve ça normal. Oh, mais même si je n'ai. Tes enfants disent ça. Tu ne les achicotes pas. Je les achicote comment? Il me dit, va prendre toi. Et toi, tu vas prendre? Oui. On ne va pas prendre. Quand tu commences à copier comme ça là, pour qu'ils grandissent, comme tu parlais des changements de la société là, tu commences à aller laisser avec la mentalité. Quand tu vas au Cameroun, là-bas, tu vas le corriger. Je le corrige très bien. Ici, parce que ici, tu tapes. Il va aller rapporter à son ami de l'école que on va taper. Son ami maintenant va le prendre pour amener chez la maîtresse. On va appeler la police. La maîtresse va directement appeler la voix. Oui. Donc on va dire qu'il y a un tel monsieur qui tape sur son enfant. Ils ne vont pas discuter de toi, ils viennent seulement. Que dites-vous maintenant de la Bible qui dit que la verge de la correction ne doit pas s'éloigner des enfants? Ouvrons la Bible. Non, ouvrons la Bible. Proverbe chapitre 22. On était dans Matthieu chapitre 27 tout à l'heure là. Tout en Europe. On dit, on veut arriver, quelqu'un sort le téléphone. Non, ce n'est pas que l'Europe. Même en Afrique. Chacun un smartphone. Mais tu as raison. On veut la Bible, quelqu'un sort son téléphone. Eh ben, c'est la phrase. Merci. Tant que les gens s'ouvrent là-bas. Proverbe chapitre 22, vous y êtes. Le verset 6 d'abord. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Oui. C'est bon. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 17. Verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Oui, encore. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Est-ce qu'on peut dire ça d'ici? C'est non. Chapitre 13. Vous êtes au chapitre 13. Oui. Le verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Vous avez entendu? Chapitre 23. Verset 13 et 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Oui. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Vous entendez ça, frère? Chapitre 29. Verset 15 et 17. La verge et la correction donnent la sagesse. Oui. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Vous entendez? Verset 19. Tu as dit 17 d'abord. 17, pardon. Châtie ton fils. Et il te donnera du repos. Et il procurera des délices à ton âme. Donc, ça veut dire que si tu ne châties pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il te donne des troubles. Des troubles. Alors, voici donc quelques-uns des versets que je donne par rapport à cela. La société veut que vous ne corrigez pas votre enfant. Et par conséquent, on veut comme ça laisser la rébellion dans leur cœur. Comme ça, grandir dans leur cœur, comme ça, parce que c'est clair que la Bible déclare que l'enfant va honorer son père. Donc, on enseigne l'enfant à la rébellion depuis le jeune âge. Et on t'interdit de le corriger pour que la rébellion quitte. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation-ci? Vous obéissez à Dieu ou vous obéissez aux lois? Tu parles seulement. Non, moi je ne parle pas, je pose la question. On va avoir la question. Non, je tiens, oui. Parce qu'il a posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Si, en face de cela. Oui. Ouais. Non, non. Le dialogue, non, c'est pas cela. La Bible déclare qu'il y a des choses que vous devez corriger avec le bâton. Ouais. Oui, mais votre société interdit de frapper ses enfants là pour les corriger. C'est ce que je dis qu'il faut seulement dialoguer avec l'enfant. Non, non, la Bible n'a pas dit de dialoguer. Il y a des endroits où il faut dialoguer. On vous avait obéi à cette loi. Oui. On vous pouvait obéir. Oui. Maintenant, c'est très difficile dans la société où tout le monde partage. Tu seras dans la société où toi tu es dans seul la vie. Mais ne pourrons pas nous dire, tu n'es pas là pour combattre le système. C'est ton enfant et c'est ton Dieu. Et c'est son ordre que tu dois suivre. Ne pourrons pas nous dire la même chose par rapport à tout à l'heure. Tu as dit qu'il faut qu'on essaie de changer le système, que chacun fasse de façon individuelle, mentalité. On pourrait dire ça, la même chose, que ce sera difficile de combattre ce système-là avec état individuel. Là, tu tiens de chercher la collectivité pour pouvoir lutter contre cela. Dieu, quand il donne le commandement à chaque individu, tu as tes enfants, la Bible déclare que si tu vois quelque chose, tu dois le corriger avec le verge de la correction pour délivrer son âme du séjour des morts. Parce que cet enfant-là meurt dans la désobéissance, dans la rébellion, il partira dans l'enfer à cause de toi. Je te pose la question. Oui. Si il faut qu'on enlève, tu tapes l'enfant, oui, et qu'on t'enlève l'enfant, qu'est-ce, oui, que tu préfères? Actes des Apôtres chapitre 4. Non, je sais que tu veux me poser une question individuelle. Oh, oui. Je lis d'abord Actes des Apôtres chapitre 4. Tu connais pas Non, mais je vais te montrer, parce que c'est loi contre loi. Oui. Et parce que venir dans le même contexte, il situe la même chose et elle est équilibrée. Dans le chapitre 4, il s'agit de vous avez dit déjà, oui. Il s'agit de l'apôtre Paul, Jean et Pierre devant le Sanhédrin. Ils vont prêcher au nom de Jésus-Christ dans la population. Les gens vont croire. On va les attraper, mettre en prison, les taper. Après, les mettre devant les gens en disant qu'on vous interdit de prêcher encore en ces noms-là. Lisons à partir du verset 16. On dit car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace. Donc il y a menace là-bas. Avec menace de ne pas de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Donc d'après la sentence qui va sortir à la suite du réunion, on vous interdit en tant que prédicateur de parler. Si on t'entend, ça veut dire que cette même chose peut ressortir aujourd'hui. Comment vous entendez ça ici? On ne veut pas que tu parles chez quelqu'un pour prêcher le nom de Jésus. N'est-ce pas? On dit que c'est une loi qui est sortie. Qu'on les défend de parler à ce nom-là. Regardez très attentivement. Puis, verset 18 dit, et les ayant appelés, il leur défendit absolument. Je crois que les mots pèsent. Voilà. Absolument de parler un. Et d'enseigner au nom de Jésus. La loi est donnée. Suis attentivement. Il répond, parce que c'est mon grand frère. De parler et de nom de Jésus. 19. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et il leur fit de nouvelles menaces et les relâchait, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Alors, voici la situation. J'arrive, je vais finir par répondre pour moi, parce que la question est directe. Oui. Pour une fois, je vais répondre de façon directe. Oui. Voici des apôtres qui sont censés prêcher. Ils pourraient transporter ces apôtres Pierre et Jean dans notre contexte, votre allemand-ci, avec les lois européennes que vous avez. Ils ne respecteraient jamais cette loi que vous avez. Oui, et ils vont en subir les conséquences. Parce que la conséquence, c'est que justement, on va les attaquer plus tard, les chicoter. Ici, je vais répondre à la question. J'ai deux enfants. La loi vient au Cameroun que je dois aller que je tape sur les enfants, on va les enlever. Je tape, on enlève. Je ne pense pas que tu m'as des recommandations. Comment tu me dis qu'il ne pense pas que tu tapes? Il ne peut pas désobéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Comment, mon frère? Oui, tu les recommandes au Seigneur depuis leur. Non, attention, je suis attentivement. Mais la Bible dit. Que quand on va les enlever. Non, quand on va les enlever, là, je vais en venir avec vous. C'est parce que chaque fois quand cette question s'est posée, je parle de la puissance de Dieu, de résoudre le problème. Parce que le problème, c'est que quand les gens n'ont pas de relation avec Dieu, on croit que Dieu, c'est une formule. Ou on fait ça comme ça pour faire. Dieu est assez puissant pour, à cause d'un événement, changer toute une nation. Ok, c'est pas vrai dans son point de vue. Chacun peut avoir son point de vue. Olivier, c'est donc pour cela que je n'aime pas répondre selon mon point de vue, selon les écritures. Parce que. Olivier, si ça t'arrive. Oui. Comment tu peux réagir? Je vais rire avant de répondre. Depuis un certain temps, j'ai l'impression que plus on parle, plus c'est ma foi qui augmente. Amen. Mais je me rends compte que la foi est vraiment puissante. Si c'est la ligne que j'ai choisie, oui. Comment on est de là? Je suis. Attends que l'enfant vienne. Oui. Tu le corriges. Alors, ne tue pas l'enfant. Non, non, ne pas tuer l'enfant. La Bible a dit là tout à l'heure que la verge de la correction n'a pas le mener à la mort. Va plutôt le couper. Attends, frère Jean-Paul, je vais te dire encore quelque chose. Tu ne fais pas du mal. Regarde, si on pèse sur le rapport du mal, si on enlève cet enfant-là, par rapport à ce que tu le chicotes, c'est-à-dire que si tu chicotes, Dieu dit qu'en le chicotant, tu enlèves la folie de son cœur. Tu lui fais beaucoup plus de bien qu'au corps, plus que si tu l'enlèves. Si l'enfant reste à côté de toi et qu'on ne l'enlève pas, et que tu laisses cette folie-là grandir dans son cœur, tu as double punition. Parce que non seulement tu vois ton enfant qui va abandonner dans la rébellion vis-à-vis de toi, et par conséquent tu rends compte à Dieu parce que tu as peur des hommes, au lieu de les enlever et que tu as fait ce que tu avais à faire et que tu arrêtes devant Dieu. Les parents adoptifs qui vont encore plus se calmer. Voilà, absolument. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'une loi humaine, c'est pour ça que moi, il m'inquiète pas que ce soit au Cameroun de Poto ou sur les antennes, quand il faut dire au président de la République, je le dis. S'il faut parler au gouverneur, je parle. Je parle en étant conscient qu'on peut amener les gendarmes venir m'arrêter là-bas. Ah ouais, bon. Quand j'étais en France pour baptiser, j'étais dans l'eau pendant que les blancs étaient au-dessus là-bas. Ils ont posé la question, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit que je fais ce que je jusqu'à demander de faire. D'autres ont sorti le walkie-talkie, quoi. Peut-être qu'ils vont appeler la police. J'ai dit que c'est la plus meilleure chose qui puisse m'arriver ici en France. Ici. J'attendais que c'est vrai. Ils se sont regroupés là-bas. Ils ont mis les caméras et commencent à filmer. J'ai commencé. Comme ils ont ouvert la brèche pour me poser la question, j'ai dit repentez-vous de l'homosexualité et de lesbianisme. Ils ont commencé à détailler un à un. Un à un, ils sont partis. Pourquoi ils ne sont pas venus? S'ils viennent, ils m'arrêtent. C'est l'occasion que, à tout moment, à la télévision, s'ils brèchent leur caméra, c'est encore le moment par excellence pour parler à tout le peuple. ma vie est quoi dans toutes ces choses? Si, le maximum de choses qu'il puisse faire. C'est mettre, comment? Il m'envoie en prison, il y a les êtres humains là-bas. Vous en prison, donc tu as peur d'aller en prison. Comme ce que j'ai avancé tout à l'heure, là, oui. C'est passé peut-être inaperçu. J'ai eu à discuter avec le blanc. Oui. Il était en train de parler peut-être de la circoncision. Oui. Je dis que ouais. Vous êtes en train de dire que vous défendez la circoncision. Est-ce que vos médecins vous ont déjà dit un de ces quatre matins les causes des cancers de l'utérus qu'on est formé? Allez leur demander. Chacun sait-tu. Et que le jour où vous aurez les réponses, venez me voir. Donc, ils ne savent pas qu'on leur cache des choses. On peut même leur montrer. Je peux vous chercher ça. Si vous voulez aller chercher ça, si vous tombez là-dessus et vous voyez que des raisons, ne revenez plus me dire merci. Mais est-ce que tu comprends qu'ils vont même comprendre pourquoi tu leur demandes d'aller chercher? Alors, en résumé, quelqu'un qui croit Dieu. Nous avons vu dans la Bible le cas de... Je prends un exemple. C'est plus on discute, j'ai l'impression que... La foi grandit. Nous voyons dans la Bible, dans le Daniel chapitre 6, un roi le plus puissant de la terre, en ce temps-là, Nebuchadnezzar, qui érige une statuette en disant que toute la terre doit adorer. On dit qu'à la trompette commence de pour que chacun se prosterne. Il y a trois personnes là, Ben Nebuchadnezzar et Meshach, qui ont décidé que non, ce n'est pas notre Dieu ici. Ce n'est pas lui. Et ton Dieu que tu sais est invisible. Tu n'es même pas sûr qu'il va te délivrer. Quand on a fait poum poum poum, tout le monde s'est mis à venir rapidement comme ça là. On a vu les trois poltrons là, ils restaient debout. Voilà. Les gens disent que merde. Les poltrons? Oui. Les trois courageux. Oui, enfin, ils disent poltrons pour le passé. Ils disent que ah, donc, toi, et quand on dit tout le monde s'est mis à venir, ça veut dire même ses compatriotes juifs oui, se sont mis à genoux parce qu'ils ont peur d'un homme. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On allait dire à donner rapport au roi. Le roi a la vie, droit et de vie de mort. Il dit, pam, avec un regard des disciples seulement. On est venu lui dire qu'il y a des juifs qui sont venus que tu as nommés dans ton gouvernement qui n'espèrent même pas ton Dieu. Tu as donné l'ordre que si quelqu'un, qu'il faut que quelqu'un fasse ces choses-là. Il a dit que merde, le roi était tellement en colère que faites ça devant moi, il veut voir. On a mis le tueur devant le coin qui veut changer d'idée. Il a dit que sur ce, il est sonné. On a dit, pom, pom, pom. Enfin, avant qu'il le dise même, il leur a dit, les trois ont répondu que Nebuchadnezzar. Vie éternellement. Notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de tes mains. Il parle comme ça, il y a la sanction là-bas. Il y a le roi ici. Ils sont là. Dieu est invisible. Tu vois comme la foi. Dieu est invisible. Tu ne le vois pas. Invisible. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr. Je mets un peu le juge, moi. Oui. Non, mets-toi à l'aise. Tu n'es pas sûr que Dieu va te délivrer. Oui, non. Parce que lui, il est invisible. Au moins, si tu me dis que tu vois quelqu'un ici, là. Il dit c'est face à face devant le roi, devant ses serviteurs, devant la population que tu dis, qui disent sache que même si notre Dieu ne nous délivre pas, on n'adore pas. Ouais. Quelle foi! Alors c'est la balise là. et j'aime. Regarde ce que c'est. Daniel, je sais pas. Il faut avoir la foi. Il vient lire directement là-bas. Hein. Non, tu dis que tu vas taper l'enfant. Tu ne tapes pas l'enfant. Hein. Daniel, chapitre de toi. L'enfant rentre à l'école, tu le mets dans la maison, tu dis que tu sais quoi, tu es avec tes amis là-bas dehors, mais ici c'est ici là, quand tu tapes l'enfant, oui. Il n'oublie pas. Quel qu'en soit, quand il n'y a pas le problème. Il n'oublie pas. Mm-hmm. Mais pour lui, parce que j'ai même à la télévision, oui. J'ai vu comment les enfants font le témoignage de leurs parents. Parce que leur papa c'est la société, parce que même l'effet qu'ils montrent à la télévision a un effet dissuasif sur les parents. Je sais. Mais beaucoup d'enfants ici. Quand tu as eu à taper à l'enfant, il va penser à ça donc toute la vie. D'abord, il n'a pas lui, il n'a pas, lui, tu étais méchant, non? Tu étais méchant, tu n'aimais pas. Oui, mais quand même ton enfant, même en Afrique, quand tu connais les enfants, les gens qui parlent en vidéo club, il va te dire que tu es méchant. Mais il n'en déplace que c'est une éducation que tu as donné lui donner. Alors maintenant, lisons, chapitre 3 de Daniel, à partir du verset 8. À cette occasion et dans le même temps, quelques cadéliens s'approchaient et accusaient les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du saltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner à adorer la statue d'or. Les gens me disaient, tu me regardes ce qu'ils font comme bêtises. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas, il n'adorerait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Donc c'est le feu. Oui. Ça veut dire qu'une loi introduit une sentence quand on le transgresse. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte, c'est le compte rendu qu'on donne au roi. qui ne tient aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, au pluriel. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux. Je ne sais pas comment quelqu'un peut être irrité et furieux. Irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés? Shadrach, parce qu'il croyait peut-être que les gars se sont trompés, que c'est un faux rapport. Est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du satyrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une foule d'Adam. Et puis dit, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ah, c'est un défi. Dieu aime ce genre de défi. Puis il dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voilà. Imagine Obama. Après toute cette menace, quelqu'un a réussi à lui dire que je n'ai pas le droit de te répondre. Et, non, je ne te réponds même pas par rapport à ces préoccupations. Mais je veux qu'on regarde encore le contexte. Imaginons le président Obama. Un poltron dans un petit van, puis quelque part, vient défier Obama face à face devant les médias. Et qu'il a le droit de vie et de mort sur lui. Regarde. Voici, verset 17, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il dit comme ça, il ne voit pas Dieu. Il ne voit pas Dieu, non. Celui qui punit, il le voit. Il ne sait même pas que Dieu l'écoute. Oui, suis. Il n'est pas sûr. Et puis il dit, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il dit le face à face. Puis il dit, sinon. C'est-à-dire que sinon quoi? Que même s'il ne délivre pas. Sinon, sache ô roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach et Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna d'échauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne chauffait, qu'on venait de la chauffer. Donc on a multiplié la chauffage par 7. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats, c'est-à-dire que la façon qu'on t'attrape, de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego, oui, et de les jeter dans la fournaise ardente. Donc il a appliqué la sentence. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Abednego, Shadrach. Même les personnes qui ont porté pour venir jeter, le feu les a tués. Parce que la chaleur était intense. Imagine. Maintenant, écoutez. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise Ada. C'est-à-dire qu'on t'attend, tu ne bouges pas. Ouais, tu peux bouger, non. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Et se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Donc il ne regarde même pas les hommes qu'il a perdu, le vigoureux soldat qu'il a perdu dans ces choses-là, alors son colère. Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise Ada et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach et Meshach, Abednego sortit du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Il vit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Vous y êtes? Que les cheveux de leur tête n'avaient point été brûlés. Que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Dieu est tout puissant, pas vrai? Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livrer leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un temps d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Parce que lui, il a vu que comment on peut lancer quelqu'un dans le feu ne le brûle pas, il voit quatre personnes à l'intérieur. Toi, tu es même roi, tu vois seulement cette croyance-là. Oui. Lui-même, il va se convertir. Mais voilà, le va se convertir là-bas. Ça rejoint exactement ce que le frère Junior a dit. Il a dit qu'à cause de l'obéissance des chrétiens, ça peut changer toute une nation. Voilà. On peut promulguer une loi qui. Quitte à ce qu'il perde sa vie. En faveur des chrétiens. Justement. Je n'aime pas les histoires que les gens parlent comme si c'était la contamination de la société. Alors, ça veut dire qu'il faut pas, il faut que, en réalité, on prouve notre foi. En fait, la foi doit être testée. Oui. La foi doit être testée. Si vous croyez, vous dites non, je suis dans mon coin, je respecte Dieu comme il fait, vous ne faites pas. Il y aura des tests dans vos vies, en chaque domaine. Tu vas voir, tu dois aller un travail, un jour comme ça, on va vouloir faire la corruption. On va tester, là, ta foi est testée pour savoir si tu vas faire la corruption ou pas. Tu n'as pas dit, je suis chrétien, être chrétien, ça ne veut pas appeler le non-chrétien. C'est vivre la vie de Christ. Amen. Amen. Donc, on ne doit pas se donner la mort, quel qu'en soit le cas. Quel qu'en soit ce qu'il arrive. Bon, maintenant, quel conseil donnons-nous à tous ceux qui nous écoutent, si les gens nous écoutent maintenant, et ils ont des problèmes où ils pensent qu'il faut mourir. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? On commence par le chef. Ah, aux gens, non. Dans tous les cas, j'ai toujours dit à qui m'entend, quand tu es vraiment fortement dans un problème, la première des choses, je demande toujours, bon, la suppression de la vie, pour moi, ça n'existe même pas. Tu n'en as pas le droit, parce que tu ne t'es jamais donné la vie. Oui. Bon. Donc, puisqu'il ne s'est jamais donné la vie, il ne doit pas en supprimer. Oui. Et maintenant, la deuxième des choses, c'est que dans chaque situation difficile que tu as trouvée, j'ai toujours dit, je crois que vous avez bien entendu, tu dois la respiration d'abord la preuve. Il faut alimenter fortement le cerveau quand tu es dans une situation difficile. Et alimenter le cerveau, c'est respirer fortement, au moins pendant une minute. Inspiration, expiration. Pour pouvoir calmer les artères. Oui. Quand ton cerveau sera bien inhibé, tu vas te rendre compte que, tiens, voilà, dans tous les cas, le problème, ça va descendre au moins dans une minute. En une minute, tu peux baisser ton problème au moins de 50%. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je voulais encore dire là-dessus, c'est que, ou bien la troisième des choses, parce qu'il y a la respiration, il y a, tout à l'heure, j'ai dit que tu n'es pas donné la vie, tu n'as pas le droit de la beauté. Je voudrais aussi dire que quand tu es dans une situation n'importe comment, dans tous les cas, chacun ici a dehors, même en fait, chacun, il y a au moins une personne qui l'aime. Oui. Tu vois là. Et si c'est vraiment très fort en toi, pense au moins à cette personne-là. Et c'est encore une force pour nous, on s'assoit comme ça, on s'appelle frère. On se fait à toi à ce moment-là. Merci. On s'appelle frère. Donc c'est pour signifier son amour pour toi. Si tu est dans des difficultés et tu sais que tu as des frères qui pensent à toi. Tu tournes à droite, tu tournes à droite. Donc il ne faut pas avoir l'orgueil propre pour dire que je préfère mourir dans mon coin que déposer mon problème là-bas. Pour qu'est-ce qu'on va dire de tel qu'il est devenu un mendiant, qu'il est devenu comme ceci. En fait, donc, tu as un travail personnel que tu dois d'abord savoir que tu n'as pas le droit de te supprimer la vie. Oui. La deuxième des choses, peut-être s'ouvrir à ses frères. Même pas d'avoir suivi à ce fait la respiration. Il faut inhiber le cerveau. Pour que le cerveau soit oxygéné. Il faut qu'on ait plus d'oxygène au cerveau. Et troisième étape, il faut savoir que si tu es là n'importe où, il y a des gens qui veulent te soutenir. Oui. D'accord. Les gens t'aiment. Frère Jean-Paul, quel conseil peux-tu donner à tous ceux qui nous écoutent là maintenant? Non, ça, nous sommes intéressés. Hein. Pour éviter le suicide. Non, moi, franchement, nul n'a le droit de se donner la mort. Parce qu'on doit d'abord penser que si une personne se donne la mort, c'est une malédiction qui donne d'abord à sa progéniture. Oui. Parce que c'est pour ça qu'on a souvent l'habitude de voir, on trouve les gens que tu as trouvé que ses parents, l'un de ses parents s'est suicidé. C'est une durée de de génération en génération. Mm-hmm. Donc pour que cette malédiction ne se répercute pas. Oui, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Mm. Donc c'est quand les gens sont à bout de problèmes. Une femme qui aimait tellement son mari au point où son mari, elle s'est rendue compte que tout ce que son mari disait c'était du mensonge et qu'il a passé le temps à le tromper l'année, tout son temps à la tromper et que peut-être elle a même dû coucher avec ses camarades jusqu'à avoir des enfants et elle apprend ça subitement, elle dit mieux, je me donne la mort. Non, est-ce qu'elle doit le faire? Chaque problème a une solution. Un ministre qui a volé de l'argent pendant longtemps et il voit maintenant que ma neutralité est menacée et que bientôt on va venir m'arrêter, est-ce qu'il doit le droit de se donner la mort? Il n'a pas besoin. Médecin? Oui. Je pense qu'on n'a pas le droit de se donner la mort. Oui. Quelle qu'en soit la situation, il faut persévérer. Oui. Et donner sa confiance à Dieu. Oui. Et quand on a des situations comme la dépression, le stress. Oui. Dans les situations où on peut donner sa vie, donc on peut se donner la mort inconsciemment, de façon inconsciente. Oui. Dans ce cas, il faut chercher la délivrance. Donc s'approcher de frère et chercher d'avoir la délivrance parce que. Dans ce cas, on pousse de la mort de façon inconsciente. Oui, donc un esprit nous pousse à donner la mort. Oui. Là, pour ton cas, il pose la question parce que tu es médecin dans ce domaine-là. Il y a la loi sur l'euthanasie. Mm-hmm. Tu es médecin dans un endroit, quelqu'un est en train de suffoquer, il souffre pour longtemps, il a le tuyau d'oxygène et que cette personne te prescrit que donne-moi la mort. Qu'est-ce que tu fais en tant que médecin chrétien? Je ne le ferai pas. Je me dirigeais vers les de Dieu. Oui. Vers Dieu. Et puis je ne ferai pas. Il obtient de la médecine le droit de se donner la mort parce que c'est une autre chose qui fait débat ici en Europe, la loi sur l'euthanasie. Et là, je m'expliquerai en commission. En leur disant ou en leur expliquant que bon, voilà, le droit à la liberté de religion me permet, ou bien d'après cela. Il te pose la question qu'est-ce que la religion a à voir avec ton service? Là, ça va difficile, non? Je vais quand même refuser. Est-ce que tu pourras refuser ça ou même si on te chasse, du boulot? Oui. Est-ce que tu es capable de taper sur ton enfant jusqu'à ce que même si on te le retire? Oui. Amen. Ici. Alors moi, le seul conseil que je peux donner à ceux-là qui sont habités par un esprit de suicide, bien des pensées de suicide, c'est de se référer, n'est-ce pas, à la parole de Dieu qui dit dans Philippiens 4 au verset 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oui. Et la paix de Dieu, oui. qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc au lieu, n'est-ce pas, d'avoir ces pensées de suicide, de se rester, de se morfondre dans son coin, il faut, n'est-ce pas, prier le Seigneur. Et soumettre la chose. Chaque jour, il va, n'est-ce pas, changer justement ces pensées de suicide. Il va te donner la paix et puis... tes pensées va également garder. Amen. Voilà, il ne faut pas non plus oublier que le Seigneur nous empêche, nous commande de ne jamais ôter la vie à quiconque. Oui. Y compris nous. Absolument. Voilà. Et là, finissons-en. Quand quelqu'un se donne la mort, où est sa destination claire? L'enfer. Vous êtes d'accord là-dessus? Il n'y a même pas de. Donc le passeport simple, si quelqu'un va aller en enfer, on peut le conseiller justement de se supprimer la vie. Voilà. Donc on peut aussi dire cela que si quelqu'un va aller en enfer sans transition, qu'il se donne la mort. Voilà. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est exactement ça. Prions. Non, il faut qu'on vienne. Ok, on peut. Ok, mais c'est fait. Ok, mon cher Dira, quel serait tes bénéfices de cette bénédiction? Oui. Quel conseil donnes-tu? Oui. C'est que, premièrement, la personne doit penser à ce qu'il aime. Oui. Il pense à ce qu'il. Mais si son problème, justement, c'est qu'il ne s'est pas fait aimer par quiconque tout autour de lui, il ne voit que la haine. Non, au moins une personne qui l'aime. Prenons quelqu'un qui voyage dans un accident de circulation, son père et sa mère meurent, personne ne veut de lui dans la société, toutes les promesses que le gouvernement fait, c'est le mensonge. Il se rend compte que même le bailleur qui avait pitié de lui, le met dehors, il vit comme ça, personne ne lui donne la nourriture. Qu'est-ce qu'il doit faire, mon cher? Je sais que je sors toujours les exemples qui sont compliqués. Parce que tu dis là qu'il faut penser toujours à ceux qui t'aiment. Il pense que mon père même, mais voilà, autant mon père n'est pas là et qu'il n'est pas là pour me soutenir. Bon, c'est qu'il suit dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui te soutient. Oui. Dans le cas d'espèce, il dit qu'il n'y a personne. Dans le cas d'espèce, il n'y a personne. Ok, bon, donc un cas A, ou le cas où la personne peut penser qu'il y a des gens qui l'aiment. Soutiens ton idée et puis tu avances. Dans l'autre cas où il n'y a pas de quelqu'un que tu sais que tu n'aimes pas. Bon, je peux dire que au cas où il y a quelqu'un. Bon, je vais prendre le cas où il y a quelqu'un qui t'aime. Mmh. Par exemple. Par exemple, tu peux avoir des amis, au fait. Oui. Et parmi tes amis, il y a toujours quelqu'un qui te conseille. Oui. Bon. Là, alors, quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, oui. Tu peux lui parler de tes problèmes. Oui. Et lui, de son côté, pourra en parler à quelqu'un d'autre. Oui. À quelqu'un d'autre qui... Qui peut donner un conseil. Et qui peut aussi lui donner un conseil. Un ami vient vraiment pour dire que c'est moi, à ta place, franchement, le mieux c'est de mourir. C'est toujours une possibilité. Oui, bien sûr. Quelqu'un dit, au lieu de souffrir comme ça, vous-même, vous avez accepté à quelqu'un qui est dans le lit d'hôpital, vous dites comme ça, vous-même, vous faites la prière au Seigneur, même si vous n'y croyez pas, que le Seigneur me pardonne. Au lieu qu'elle souffre comme ça, mieux que ces personnes, c'est pas vrai. Mieux tu lui abrèges la vie. Mieux que tu abrèges la vie. Oui, après ses souffrances. Vous souhaitez comme ça, mais... Vous retrouvez vers Dieu. Qu'est-ce que vous dites donc? Quelle est la chose que tu dis à quelqu'un qui... pour ceux qui voudraient se suicider sur quelque forme que ce soit à cause de n'importe quel problème. Bon, de se donner à Dieu et de parler de ce problème au Seigneur. Oui. Ouais. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du Seigneur, qui n'a jamais parlé du Seigneur, comme un Allemand, comme on a pu à développer ici, il va parler de quel Seigneur qu'il ne connaît pas. Puisque c'est dans votre territoire particulièrement qu'il y a toujours les suicides. Quelqu'un qui ne connaît pas de Dieu et qui, de son vivant ou bien de son cas, il est là, on parle de la Bible, il ne peut même pas entendre parler. Comment invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas cru? Comment? T'es conscient de les embûches, hein? C'est compliqué comment? Mais c'est toi qui as décidé la parole ici à l'Assemblée nationale. Alors moi j'ai donné le conseil aux gens de comprendre qu'en réalité, en toile de fond de cet esprit de suicide se trouve le rejet même du Seigneur, le prince de paix. En toile de fond se trouve cela. Parce que quiconque a confiance au Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il ne sera point confus. C'est l'une des choses qui attire les gens dans cet engrenage là, c'est parce qu'ils ne croient même pas d'abord à l'au-delà, ils ne croient pas à l'existence d'un Dieu, et par conséquent, ils croient que supprimer la vie, il sera absent de toutes ces mauvaises choses. Et l'autre chose, l'autre volet, c'est que les gens n'aiment pas la souffrance, ils n'aiment pas supporter la souffrance, ne comprenant pas que, un, Dieu existe, et que ce Dieu peut permettre qu'on souffre pour apprendre quelque chose plus tard. Donc, le fait que les êtres humains ne veulent pas supporter la souffrance, leur pousse violemment à supprimer pour ne pas vivre ce genre de souffrance. Or, nous avons vu dans la Bible, les gens qui sont malades jusqu'à mourir avant que Jésus les ressuscite, les gens qui ont eu le désespoir. La Bible déclare, par exemple, le cas d'une femme qui avait un seul enfant, la résurrection de du fils de Naïm. Il partait comme ça, enterrer cet enfant-là. La femme a pleuré autour de son cœur, marchant comme ça. Jésus a vu cette femme et a eu compassion de cette femme-là, a touché le secret, dit « Jeune homme, lève-toi !» Et elle a remis l'enfant à cette femme-là. Mm-hmm. Cet enfant était à la dernière demeure et cette femme en avait que ce seul fils-là. Ouais. Voilà. Nous voyons effectivement que même dans le bout le plus extrême de nos pauvretés, de notre misère, Jésus peut toujours venir. Et c'est curieusement c'est Jésus qu'on rejette dans cette société qui se meurt. Vous voyez? Nous voyons dans Jean chapitre 5 un homme qui était malade depuis presque 40 ans. Allaité, donc depuis qu'il est né, il n'avait jamais marché. Et donc là, Jésus qui vient, il traverse toutes les autres personnes pour aller vers lui. La Bible déclare, voyant... Sachant qu'il était malade depuis, lui a demandé, veux-tu être guéri? Dans Jean chapitre 9, nous avons vu quelqu'un qui était né non seulement aveugle, mais estropié. Il est né comme ça. Et il avait grandi, il avait plus de 40 ans. Les apôtres demandent au Seigneur Jésus, est-ce que cet homme, c'est parce qu'il a commis le péché, ou bien parce que ses parents ont commis le péché? Il a dit, ce n'est ni parce qu'il a commis le péché, ni parce que ses parents ont péché, c'est afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent en lui. Donc Dieu peut permettre que certaines choses nous arrivent pour pouvoir manifester ta gloire, comme il l'a fait avec Pharaon. Donc, en quelque sorte, nous ne devons pas fuir les problèmes. Lorsque les êtres humains ont des problèmes, courez vers Jésus, qui est le solutionnaire et le solutionnaire définitif et pour toujours, non seulement pour les problèmes de ce monde, mais les problèmes pour les siècles suivants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous écoutez. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.